Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 37. Je procède au rappel traditionnel de notre émission, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. eelb.su, c'est l'espace privilégié pour commenter l'actualité, ne serait-ce que pour la lire d'ailleurs. La plupart d'ailleurs des gens parcourent sans même commenter, mais il y a quand même des commentateurs très assidus. Enfin, vous pouvez rejoindre le réseau social Gab, qui est le seul réseau social actuellement qui ne pratique pas une censure invasive, donc gab.com. Vous y êtes conviés, là encore, pour partager telle ou telle information, contenu ou autre. Je procède maintenant à la présentation des membres de cette semaine, qui nous font le plaisir d'être avec nous. Je vais commencer avec Pierrot. Comment vas-tu, cher Pierrot ? Ça va très bien, Gandalf, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi. Et comme d'hab, ça me fait très plaisir d'être avec vous, comme chaque semaine. Et avec nous cette semaine également, Fulbert. J'espère qu'il va bien, Fulbert, et j'espère qu'il va pouvoir nous éclairer sur l'actualité. Vous allez voir qu'il y a matière. Bonjour Gandalf, bonjour à tous, ouais, tout va bien, ça pourrait être pire, mais tout va bien. D'accord. Et avec nous aussi cette semaine, Diabolix. Salut Diabolix, j'espère aussi que pour toi tout va bien. Je suis mort de rire depuis l'information que nous aurons l'occasion de détailler. Très bien, tu viens de le découvrir. Et enfin avec nous aussi cette semaine, Derek, un cardinal de l'église et de négrolatrie, et aussi docteur en négrologie. Cette semaine aussi, Derek, il faut bien le dire, ton église a rayonné, mais alors là, un des ministres de ton église a particulièrement brillé. Nous allons en parler, ça va être très intéressant. Ah ben d'accord, ben j'ai pas trop suivi ça cette semaine, mais on va découvrir ça. Eh oui, ils continuent leur apostolat, même sans que tu aies ton regard posé sur eux. Tout à fait. Alors avant de commencer l'émission, je vais quand même remercier nos donateurs. Vous pouvez nous soutenir financièrement en nous faisant des dons, sur la base du bénévolat, bien entendu. Il y a un guide explicatif à la droite du site Démocratie Participative, puisque nous acceptons des dons exclusivement en crypto-monnaie, plus particulièrement Monero, qui est une crypto-monnaie qui offre un avantage considérable, c'est l'anonymat des donateurs comme de ceux qui reçoivent les dons, bien évidemment, ou les virements financiers, quoi. Ainsi que le montant, qui reste à la discrétion des parties. Alors, le premier don. Chers amis, je viens de vous envoyer 0,38 Monero, soit une trentaine d'euros. Comme moi, nombre de jeunes blancs soutiennent votre combat contre la tyrannie juive et l'invasion marron organisée par celle-ci. Merci d'être notre bouffée d'oxygène quotidienne et de nous donner la force, par vos articles et vos émissions, de combattre l'ennemi crochu souhaitant nous anéantir. Désormais, nous savons que nous ne sommes plus seuls. Nous ne nous laisserons pas génocider. Gloire à la Grande-Bourgogne. C'est signé Jacques Pochette. Merci à toi, cher Jacques, de nous encourager. C'est un message bien plein d'optimisme et c'est tout ce que j'aime personnellement. Alors, messieurs, je tiens aussi à remercier tous ceux qui... si jamais par hasard, on oubliait de citer un donateur, ça pourrait arriver, n'hésitez pas à nous renvoyer un message. Hein, après tout, avec tous les messages que nous recevons, on peut parfois avoir des oublis ou des omissions. Donc, n'hésitez pas à vous remanifester. Sinon, merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui ne nous envoient pas de messages, mais qui nous soutiennent je veux dire, tous les mois, année après année. C'est grâce à eux que tout ça peut continuer. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de cette émission, avec notre première rubrique, courrier des lecteurs. Bonjour à tous. En réaction à votre conversation sur la religion lors de l'émission de la semaine dernière, émission 35, il faut savoir que non seulement l'Église catholique brasse du nègre via les associations d'aide aux migrants, mais elle brasse aussi du nègre via ses prêtres. En effet, l'évêque de notre diocèse dans le sud de l'Île-de-France a passé des accords avec certains pays d'Afrique afin de faire venir en masse des nègres pour qu'ils suivent des études de théologie, aux frais de notre diocèse bien évidemment. Nous nous retrouvons donc, depuis de nombreuses années maintenant, avec presque exclusivement des prêtres nègres, nourris, logés et blanchis, sans mauvais jeu de mots, par les deniers diocésains. Un de nos proches a eu l'occasion de travailler pour notre diocèse il y a quelques années. Nous avions appris à cette occasion que ces prêtres nègres venaient de plusieurs tribus différentes. Un nègre d'une certaine tribu pouvait donc se retrouver responsable de secteurs et avoir du coup sous ses ordres des nègres d'autres tribus qui, en Afrique, lui étaient supérieurs. Je vous laisse imaginer l'ambiance lors des réunions du secteur en question. Plus récemment, nous avons également appris que ces nègres, aux surprises, couchaient avec la majeure partie des bénévoles, pour la plupart des blanches de plus de 50 ans. Si l'une d'elles a le malheur de ne pas céder aux avances de ces créatures, ceux-ci lui pourrissent la vie avec des broutilles, des histoires d'emails non reçus, d'imprimantes qui ne fonctionnent plus, d'appels soi-disant non répondus, etc. Jusqu'à ce que l'ambiance soit tellement délétère que la bénévole en question quitte ses fonctions, au point de préférer aller à la messe quelques kilomètres plus loin et être dans un autre secteur. Concernant les sectes évangéliques, nous en avons une dans notre ville depuis quelques années. Nous avions eu l'information de leur première rencontre lors de la messe dominicale de la semaine précédente. Aussi sommes-nous rendus à cette rencontre, pensant avoir affaire à une rencontre catholique, d'autant plus qu'ils se réunissent dans notre magnifique église du XVIIIe siècle. Nous avons vite déchanté, l'église débordait de nègres, les chants africains sur fond de tam-tam résonnaient sous la voûte, les you-you retentissaient à tout va. Nous n'avons pas tenu 5 minutes. Un grand merci à toute l'équipe pour le travail que vous faites. Votre émission est une bouffée d'air pur dans l'océan de merde dans lequel nous vivons. C'est Kyle et c'est une fratrie arienne qui signe ce courrier. Alors, bon, chers amis, on en a parlé, on a souvent parlé de ça. Mais revenons-y, après tout, pourquoi pas. En tout cas, revenons sur le courrier de notre auditeur. Alors, qui aimerait réagir à tout ou partie de ce courrier? Moi, il y a une partie qui m'a enthousiasmé. Hein. Je dois dire que ce sont tous ces... Alors déjà, le concept de nègres d'Afrique qui viennent en France étudier la théologie. Alors là, ça, c'est déjà quelque chose qui me fait... Je voyage déjà, rien que de longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une théorie conspirationniste qui dit que faire lire des trucs à des nègres, ça aboutit à quelque chose de bien, quoi. C'est ça. Enfin, moi, je ne suis pas conspirationniste, donc je ne crois pas à cette théorie. Hein. Oui, moi non plus, oui. Alors, bon, les études de théologie, jadis, étaient un parcours du combattant qui équivalait à un parcours universitaire. Hein. C'était... très exigeant au sein de l'Église catholique. Et je vois que les choses changent. C'est un petit peu comme dans l'université française, quoi, hein, l'enseignement supérieur français. Voilà. Alors, c'est pas que les objectifs, le niveau des objectifs baisse. Hein, c'est le niveau des étudiants qui baisse. Donc, la démographie fait son effet. Est-ce que peut-être, Pierrot, sur ce premier point, allez, on va parler un petit peu, pas de théologie, mais... des recrues de l'Église catholique. Est-ce que tu as un point à dire, quelque chose à dire là-dessus, Pierrot? Oui, on commence l'émission assez fort parce que, bon, déjà, Barrez-vous des modernistes, moi je le dis à chaque fois dès que je peux. Si les trucs de tam-tam vous ennuient, moi ça m'ennuie aussi, surtout pendant la messe, enfin pendant n'importe quel office d'ailleurs. C'est juste, c'est pas possible dans la tradition d'entendre des trucs pareils. Donc déjà, fuyez les modernistes qui sont, pour ma part, je considère comme des protestants qui s'ignorent. Mais bon, c'est un autre sujet. Faut savoir qu'en Afrique, la prêtrise, c'est considéré comme une sorte d'élévation sociale. Vu que c'est un peu... vu que c'est une conjoncture de shit all countries, hein, comme dirait Trump, là, l'Afrique, c'est un énorme bac à merde. Il n'y a pas beaucoup de voix pour s'en sortir. Et donc, généralement, bah, ceux qui peuvent accéder à la prêtrise, ils s'en sortent bien parce qu'ils font un rapport entre ce qu'ils vont gagner et ce qu'ils vont perdre en termes de confort de vie. Et donc, c'est difficile pour, généralement, le clergé d'arriver à différencier ceux qui sont là par opportunisme ou ceux qui sont là pour des raisons purement spirituelles. Puis après, moi, ce que je pourrais dire aussi là-dessus, c'est que, alors moi, pour le coup, je suis pas lefévriste, hein, je rejette ce terme, je me sens catholique, donc lefévriste, c'est autre chose, mais je reconnais à Monseigneur Lefèvre quand même une qualité dans son parcours de vie, c'est qu'en fait, donc il a misé à fond sur l'instruction et les séminaires, d'accord ? Il s'est rendu lui-même en Afrique à plusieurs reprises, il y a vécu de nombreuses années, et donc l'un de ses combats, c'était de former des prêtres en Afrique, mais pour qu'ils restent en Afrique, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'était pour que les fidèles puissent avoir accès à des prêtres locaux et non pas des prêtres européens, et qu'ils restent sur place, que la foi puisse se propager, faire dans un sens comme dans l'autre, de façon que des Européens prêtres aillent en Afrique ou des Africains prêtres viennent en Europe. Ça, c'était quelque chose qui combattait assez durement, parce que c'est difficile de faire de l'apostolat quand il y a des barrières, ne serait-ce que culturelles, linguistiques, raciales, bien sûr. Donc voilà, on arrive à des énormités. Je ne comprends plus. Puisqu'on en parle, hein, je m'intéresse à la deuxième partie du courrier. Enfin, à la fin, quand il dit voilà, il y avait des rencontres. Enfin, quand il parle de l'évangélisme, hein, vous savez, qui est un courant protestant très exubérant de par sa nature et qui attire naturellement. Les migrants africains, d'accord. Enfin, d'ailleurs, en Afrique même, hein, ça fonctionne très très bien, et en Europe également. Et alors, il dit voilà, nous avons découvert en fait ces sectes évangéliques. Il les a pas découvert. Enfin, notre auditeur n'a pas découvert cette secte ou une de ces sectes dans la rue. Ni par accident ou par curiosité qui l'aurait amené à vouloir se rendre sur place pour constater par lui-même, ça s'est déroulé dans sa propre église. C'est-à-dire que l'église catholique en est arrivée à ce stade où elle fait la promotion de l'évangélisme. D'accord ? Donc, avait été annoncé dans leur église catholique une rencontre avec... pensait-il, avec d'autres catholiques. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont découvert que, en fait, non, pas du tout. C'était un courant protestant qui avait été convié par les catholiques pour une rencontre, entre guillemets, œcuménique. Et là, ils ont découvert un ramassis de nègres à tam-tam, hurlant, invoquant je ne sais quel esprit, dans une église du XVIIIe siècle, dont d'ailleurs il nous dit qu'elle a elle est d'excellente facture. Alors, donc, les églises du XVIIIe siècle en France aujourd'hui sont le lieu, si vous voulez, de séances de pratiquement d'animisme, hein, de semi-animisme vaguement protestant. Ça aussi, ça en dit long sur l'état de déliquescence absolue du clergé catholique. Je veux dire, alors là, pour le coup, on parle même pas de race ou quoi que ce soit. Je veux dire, là, on parle vraiment uniquement du point de vue théologique, oui, de la doctrine religieuse. C'est-à-dire que là, la confusion est à tous les étages, quoi. À tous les étages. Avec les conséquences que l'on imagine et que notre auditeur a brièvement décrit. Alors, est-ce que tu as peut-être un point là-dessus pas sur l'œcuménisme en général, mais enfin, là c'est quand même une manifestation assez intéressante de l'œcuménisme, je trouve. Bah, c'est la logique, en fait, à partir du moment où la base est faussée, c'est-à-dire que du point de vue moderniste, toutes les religions maintenant se valent. Il n'y a même plus besoin de faire d'apostolat puisqu'on peut trouver Dieu dans à peu près tout et n'importe quoi. Donc, ils sont dans une logique d'œcuménisme à tout prix. En fait, ils ne voient même pas la différence entre ce qui est catholique et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, ça, c'est la... À la fin, on arrive à ces absurdités. Je suis pas surpris. Moi je remarque quand même que ce bon dans ce le paysage, enfin le oui les gens qui se trouvent là-dedans, ce sont des vieilles blanches et des nègres quand même. C'est pas très bon, hein. C'est ça le problème. Et le problème, si tu veux, c'est que tu as des gens qui sont, on va dire, qui ont un esprit de tradition. Donc, ce sont des gens qui s'inscrivent dans une tradition. Voilà, ils voient un héritage, ils voient une transmission. Pour peu qu'ils soient nés dans une famille catholique, bon, ils se disent, bah, c'est normal, je transmets à mon tour. Et puis là, ils se rendent compte qu'on est rentré dans une espèce de faille spatio-temporelle, n'est-ce pas ? Et des choses curieuses se produisent. Tu vois ? Mais excuse-moi Gandalf, mais dès que tu fous du nègre quelque part, soyons très clairs, ça part en couille. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les sectes, que ce soit même à l'armée, dès que tu fous du nègre quelque part, ça part systématiquement en couille. Je vais prendre quelques exemples. Les évêchés de Namur, les évêchés de Liège forment des prêtres. Bon. Tous ceux qui sont inscrits au cours de théologie et qui sont pensionnaires de l'évêché, il faut savoir que le soir, c'est le défilé de la victoire de toutes les gonzesses qui viennent se faire tirer. Parce que tu as le grand nègre qui a la puissance divine et qui, pendant qu'il va tringler Bobonne, va pouvoir lui parler de l'Ancien et du Nouveau Testament. Là, attention, c'est pas des bobonnes de 50 ans qui tirent, hein, c'est des jeunes gamines. J'avais cité dans l'émission un curé qui, à Bruxelles, avait carrément transformé son église en supermarché et en showroom de 4x4 d'occasion. C'est la même chose à chaque fois. Mais je vais revenir sur un truc, une anecdote qui va bien faire rigoler Fulbert parce que je suis sûr qu'il connaît le truc. Hein. À un certain moment, l'armée belge s'était décidée de former les militaires congolais. Donc en fait, on avait fait venir à l'école royale militaire, qui est quand même une institution on ne peut plus sérieuse, on avait fait venir des nègres et on les avait foutus à l'instruction. Et puis un lundi matin, le caporal de semaine arrive dans les chambrées pour pouvoir réveiller les gars et il n'y avait plus personne. Tous les mecs avaient déserté. Donc en fait, on ne les a jamais retrouvés, ou on en a peut-être retrouvé un, deux ou trois. Mais le principe, c'est qu'ils arrivent en Europe, et à partir du moment où ils arrivent en Europe, ils ont gagné. Que ce soit pour la prêtrise, que ce soit pour l'armée, que ce soit pour n'importe quoi, ils ne savent qu'une seule chose, foutre la merde. Là, ils sont au top du top. Ah oui, moi je me souviens effectivement de cet événement. Il y avait une centaine de ces candidats officiers et, je crois, sous-officiers qui devaient être formés par l'armée belge, effectivement. Et ils ont deux, trois exemplaires près. Tous les autres se sont tirés et on ne les a pas retrouvés, c'est exact. Comment dire Le point qui est intéressant dans ça aussi, dans ce que nous dit, c'est à quel point ces nègres, donc une fois installés, ça corrobore ce que vous dites, hein, prennent leurs aises, deviennent de petits rois nègres à leur tour, et sautent des blanches. Donc je me rappelle, citer ce que disait Pierrot, c'est-à-dire que finalement pour eux, l'Église catholique n'est qu'un ascenseur social et racial, en gros, hein, qui leur permet de se, comment dirais-je, téléporter en Europe, pour y bénéficier de tous les avantages, y compris sexuels, vous l'avez bien compris, il faut bien comprendre que ça a vocation à se démultiplier, puisque vous l'avez saisi au travers du courrier de notre auditeur, l'Église catholique aujourd'hui est une gigantesque ONG spécialisée dans le trafic d'immigrés clandestins. Trafic vaguement légalisé pour ce qui concerne leurs prêtres. Mais sinon, pour le reste, c'est une gigantesque pompe à migrants venus d'Afrique. Donc j'avais dit ça dans une émission précédente, bon, c'est une stratégie démographique et raciale de la part de l'Église catholique, c'est tout à fait clair, une logique de grand remplacement, c'est-à-dire que l'Église catholique aujourd'hui a une stratégie à l'échelle du monde occidental et à l'échelle du monde européen de grand remplacement, qui est finalement un petit peu le décalque de ce que prônent les élites que l'on retrouve dans les différents pays occidentaux. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que nous disent les élites ? Ils nous disent, voilà, en Occident, on ne fait pas assez d'enfants, il y a une dénatalité, un vieillissement de la population, et donc il nous faut des bras, nous disent-ils, hein. Il nous faut des bras, il nous faut des consommateurs, il faut des gens qui cotisent pour payer les retraites, etc. etc. Bon, il y a tout un argumentaire là-dessus sur l'utilité de l'immigration. On pourrait y revenir, ça serait très intéressant, mais ce n'est pas trop le sujet du point que je veux soulever. Disons qu'il y a une utilité dans cette immigration du point de vue de ces élites-là, et finalement l'Église catholique a exactement le même point de vue. C'est-à-dire que voilà, ils regardent leurs différentes églises à travers la France, à travers la Belgique et tous les pays catholiques d'Europe. Qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent qu'il y a de moins en moins de monde, d'accord ? Et ils se disent, bon, bah, comment on peut faire pour continuer à exister ? Parce qu'après tout, il y a des murs, il y a une bureaucratie, il y a aussi des réseaux, des avantages, somme toute, en tout cas au niveau des évêques. Et il faut qu'ils quand même puissent peser face au pouvoir public pour maintenir toute une série d'avantages de cet ordre. Et bien, c'est vrai que l'immigration venue d'Afrique, surtout avec le dynamisme de la démographie africaine, est une solution toute trouvée. C'est une solution toute trouvée. À la fois pour remplir leurs églises de nouvelles ouailles, hein, et puis pour recruter des prêtres. Prêtres formés à la va-vite, vous avez bien compris. Hein, on va les récupérer ici ou là dans les différents villages de différentes ethnies, on les balance en Europe, et là, évidemment, ils vont devenir progressivement, parce que ces gens-là vont monter. Aujourd'hui, ils sont prêtres. Aujourd'hui, ils sont prêtres. Mais demain, ils seront évêques. Par la force des choses. Cardinaux. Et tout, mais bien sûr, mais je veux dire, quand je dis ça, quand je dis des évêques, je dis pas qu'il y a des, il y a déjà des évêques noirs, mais je veux dire des évêques noirs en France. Au début, on aura un, vous verrez, la presse de gauche sera enthousiaste. La presse la plus anticléricale, la plus athée, la plus militante contre la religion catholique sera soudainement complètement transportée de joie à l'annonce de la première nomination d'un évêque noir. Ouais, ce sera en Ile-de-France, probablement, ou à Lyon, quelque chose de cet ordre. Bien. Et puis, une fois le premier passé, il y en aura 10. Et puis, il y en aura 20. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces grands sachems venus du Congo ou de je ne sais où, bah, ils vont démultiplier le processus. Ils vont s'établir en despotes nègres au beau milieu de l'Île-de-France, au beau milieu de tous les diocèses de France. C'est une évidence. Et ils vont trouver des rombières qui vont les faciliter dans leur travail. En échange de quoi ? Eh ben, en échange d'un bon bourricage. Hein, forcément. Donc cette mécanique pernicieuse, elle est huilée, et elle va se déployer totalement. Ce qui fait que nous allons arriver à un stade, là sur les 10 ans, parce que si vous vous intéressez en fait à la moyenne d'âge des prêtres français, des vrais français quoi, hein, des prêtres français du cru quoi, si vous voulez, et aussi à la sociologie des croyants, si vous vous projetez sur les 10-20 prochaines années, on va véritablement arriver en France à un point où quand vous rentrerez un dimanche matin dans une église, on va dire dans une ville moyenne, grande, ou alors même une très grande ville, il n'y aura que des nègres. Mais c'est presque... C'est presque déjà le cas. C'est presque déjà le cas. La plupart sont des vieux ou autres, mais je crois qu'on avait déjà eu un courrier là-dessus où j'avais eu ça ailleurs. Hein. Mais les blancs ne veulent plus faire prêtre. Il y a personne qui va à un séminaire, c'est quasiment vide. Il y a très très peu d'ordination. Il y a une crise de la vocation qui est totale. Oui. Il faut bien se rendre compte que le Vatican a tellement tiré sur la corde, ils ont tellement fait de conneries que qui voudrait encore se lancer dans la prêtrise aujourd'hui ? Bah, des nerfs. Alors l'énorme souci qui est en train de se poser, c'est que tu as, alors, pour la France, je ne sais pas, mais la moyenne d'âge des prêtres pour la Belgique, c'est 72 ans. C'est ça, mais c'est pareil. Et le dimanche, tu as des prêtres qui sont obligés de faire entre 5 et 7 paroisses sur une seule journée. Des paroisses qui sont conservées parce que tu as 4, 5, 6 grenouilles de bénitiers qui viennent assister à la messe, et point barre, c'est terminé. Donc en fait, on se retrouve dans une équation qui est en train de devenir rigoureusement ingérable. D'abord, on a des églises qui sont des monuments historiques qui sont partiellement entretenus par l'État parce que ça dépend encore du code Napoléon, mais c'est partiel. Donc il faut trouver des fonds qu'on n'a plus parce qu'on n'a plus de fidèles. Il n'y a pas un seul blanc qui veut faire prêtre. Et dès que tu as le malheur de lâcher une paroisse à un nègre, ça devient un supermarché. Et c'est tous les frères qui débarquent. Et là où on assiste à un renversement complet, c'est l'arrivée des évangélistes. Parce que les évangélistes ont une structure qui est particulièrement bien foutue. C'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que oui, c'est une invasion de nègres, je suis tout à fait d'accord. Mais le rapport à l'argent chez les évangélistes est tout à fait différent. Et les évangélistes s'entraident. Il n'y a pas, si vous voulez... Le principe de l'Église catholique, c'est que l'argent, c'est sale, il ne faut pas qu'on en parle. Chez les évangélistes, réussir dans la vie grâce au pognon, c'est un cadeau de Dieu. C'est ça qu'il faut bien piger dans leurs explications. Le résultat, c'est que les églises évangéliques sont en train de se répandre en Europe à la vitesse d'un incendie de forêt. Et comme il y a le pognon des États-Unis derrière, qu'il y a le pognon de l'Amérique latine, de l'Afrique, parce que soyons très clairs, les évangélistes en Afrique font du fric, hein, il ne faut pas rêver. Et n'oubliez pas que toutes les églises évangéliques sont effectivement reconnues comme églises et dans la majeure partie des États ne sont pas soumises à l'imposition fiscale. Ce qui fait que, alors que l'Église catholique doit rendre une comptabilité, ces gens-là n'en rendent aucune. C'est ça qui est absolument terrifiant, c'est que c'est un système qui est rigoureusement imparable. Ils font du pognon, et c'est un pognon qui est rigoureusement incontrôlable. Face à ça, l'Église catholique, elle est obligée de rendre les comptes pour les cierges à la commune, elle est obligée de rendre toute une série de comptabilités, et en plus, elle n'a plus de fidèles. Donc ce sont des gens qui vont se faire, mais littéralement, atomisé, thermonucléarisé, c'est ça qui est en train de se produire. Et alors bon, vous rajoutez à ça la merveilleuse intelligence négrifiante, je vous laisse imaginer le cauchemar qui va pas arriver, qui est en train de se produire en ce moment. Alors, j'ajoute que, alors je dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, j'allais dire. Non, je fais des jeux de mots sans faire exprès. La crise des vocations existe. Hein. Effectivement, personne n'a envie de devenir prêtre en 2020. C'est quelque chose qui est plus ou moins préservé dans la tradition. Alors, pour le coup, c'est pas spécialement voulu, mais il y a maintenant une sorte de différence entre les nouveaux prêtres. Vous voyez une sorte de courbe entre ceux qui sont modernistes et ceux qui sont traditionnels. Et à cause de la crise de la vocation, il y a de plus en plus, en termes de proportion, de prêtres tradis. Ça, c'est plutôt positif, mais bon, il faut quand même aussi rajouter quelque chose, c'est que en termes de nombre, les fidèles ou les prêtres tradis, c'est quand même pas énormément non plus par rapport aux modernistes, il faut quand même pas se leurrer. Et l'autre point que je voulais ajouter qui n'a rien à voir, c'est que ça rejoint le début de la conversation, c'est que cette histoire de bouleversement dans l'ordre, parce que l'ordre normal, c'est tous les évêques, peu importe leur situation dans le monde, sont soumis à Rome et ils doivent former des prêtres locaux, d'accord. Donc ça, c'est la situation normale. On peut mettre des exceptions, mais c'est ce qui devrait se passer normalement. Et donc, vu qu'on a piétiné cet ordre-là, on arrive même à des bouleversements d'ordre politique, où en fait, des prêtres ne peuvent pas exercer leur mission, tout simplement parce que ce sont des étrangers dans leur pays de mission. Et ça, ça s'est produit plusieurs fois dans l'histoire. L'exemple le plus frappant, c'était les jésuites au XVIIIe siècle, qui avaient commencé une mission en Chine au XVIe siècle, hein, ça remontait, qui ont été expulsés de Chine pour des raisons politiques, en fait, ils n'étaient pas chinois, et tout ça, en fait, c'est la conséquence du bouleversement de l'ordre qui vaut que, finalement, on doit avoir des prêtres locaux pour les fidèles locaux. C'est comme ça que ça devrait se passer normalement. Il faut méditer hein, sur l'histoire du grand emplacement au sein de l'Église, qui est une politique délibérée, hein, comme elle est délibérée par ailleurs dans les pays occidentaux, parce que nous allons arriver à un moment où toutes les cathédrales, mais même sans parler des cathédrales, genre les églises, enfin tout ce patrimoine énorme qui a été patiemment édifié pendant au moins 15 siècles en France, va être de fait pour une partie significative entre les mains de nègres. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Il faut quand même avoir ça en tête. Et quand on confie des cathédrales à Nantes, par exemple, à des nègres, on voit comment ça a fini. Hein. Effectivement, ça finit en flammes. Et ça, c'est annonciateur. C'est-à-dire que quand vous vous baladez encore aujourd'hui dans les cathédrales, dans les églises, dans les abbayes remarquables, vous voyez des choses extraordinaires. Mais dites-vous bien que ça va être uniquement aux mains des nègres. Et de la volonté du Vatican, de la volonté absolument unanime du clergé français, et nous aurons des évêques africains. C'est ce que j'ai dit, hein, des évêques africains. Mais attention, des évêques africains qui ne seront pas parachutés hein, nécessairement. Hein. Il y en aura probablement quelques parachutés, mais certains qui seront même du cru. Hein, du cru, c'est-à-dire des nègres de l'immigration, mais qui auront grandi en France. On va nous mettre des gens comme ça aux commandes, et on va se retrouver dans un pur moment de dystopie, où 15 siècles de pierre, 15 siècles... Alors peut-être pas 15 siècles pour les vitraux, mais en tout cas pour certains vitraux quand même, des siècles et des siècles et des siècles, qui nous regarderont et qui regarderont surtout des nègres s'agiter dans les travées, si vous voulez. Mais il y a pire que ça, il y a beaucoup plus dangereux que ça, Gandalf. Parce que, bon, j'ai oublié de citer le problème des nonnes, parce que les nonnes sont en train de se négrifier à une vitesse effrayante. Mais je voudrais revenir à un point qui est extrêmement dangereux. Le gros problème des prêtres africains, c'est que tu donnes charge d'âme à des gars qui ont des QI de 80 et tu leur dis, voilà, vous allez vous occuper des paroisses. Je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a eu des massacres épouvantables en Afrique, que ce soit au Rwanda, au Burundi, en Côte d'Ivoire, avec des gens qui étaient parfaitement chrétiens. Et le gros problème, c'est que ces gens ne tuaient pas leurs prochains par haine, parce que quand ils tuaient quelqu'un, tu avais des militaires belges ou français qui leur posaient la question en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de tuer vos frères ?» Et les types répondaient « Mais non, ils vont au paradis. » Donc, tu as des gens, ils ont un QI de 80, ils ne peuvent pas faire la liaison entre « tu ne tueras point » et « si tu meurs, tu vas au paradis ». Pour eux, ce n'est pas des assassins, c'est une suite logique. C'est tout le problème de confier les rênes de pouvoir à des gens qui n'ont pas le coefficient intellectuel pour pouvoir s'en sortir. Ça nous annonce des temps qui vont être particulièrement rigolos à voir. Ouais, alors à mon avis, en Afrique, le QI est beaucoup plus proche de 65 que de 80, entre nous soit dit. Oui, mais... 80... Oui, je prends un exemple, mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on confie les rênes d'un pouvoir religieux à des gens qui sont rigoureusement incapables déjà de le réenseigner à d'autres, mais surtout de l'interpréter correctement. Non, mais j'entends bien. J'entends bien, mais de toute façon, si vous voulez, l'arbitrage a eu lieu. Je veux dire, voilà, les Français ont abandonné l'Église catholique. L'Église catholique a aussi abandonné les Français. Hein, faut pas se dire, c'est un divorce. C'est un divorce à l'amiable. Et aujourd'hui. Aléa Jacta Est, hein, c'est décidé, et donc la négrification, elle est plus que lancée, et elle va aller à son terme. Et je dis simplement que, par exemple, bon, les gens qui ne le sauraient pas, mais par exemple, vous avez des chapelles aujourd'hui qui sont disséminées sur tout le territoire français. Vous en avez certaines qui sont d'une très grande qualité architecturale, qui sont aussi le fruit de la foi des masses paysannes françaises de l'époque, hein, au fil des siècles. Mais qu'on partage ou pas cette foi, c'est quand même, si vous voulez, un legs qui traverse les siècles et qui est aujourd'hui, si vous voulez, dont l'usage aujourd'hui est strictement conditionné aux décisions de deux grandes organisations. Premièrement, l'État français, la République française, et deuxièmement, l'Église catholique. Alors, l'État français délègue les lieux de culte catholiques, l'utilisation des lieux de culte catholiques, elle la délègue à l'Église catholique, et plus particulièrement aux évêques. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des chapelles dans toute la campagne française, sur tout le territoire français, que vous ne pouvez pas approcher, que vous ne pouvez pas utiliser, que vous pouvez pas, parce que c'est l'évêque qui décide. Ils vont y mettre des nègres là-dedans. Donc on va aller vers quelque chose qui va être de l'ordre, si vous voulez, du viol des mémoires, du viol des consciences, et du vol de l'héritage arien aussi. Parce que c'est ça, c'est le fruit du travail, de l'intelligence, de génération et de génération, si vous voulez. Il y a une transmission comme ça, qui est une transmission immobilière, quasiment notariale, qui se fait comme ça sur un coin de table, entre des liquidateurs et les gens qui viennent ici pour nous envahir, quoi. Hein, c'est la réalité. Et il n'y a pas d'opposition. Donc il faut bien prendre la mesure. Moi, je souligne l'aspect patrimonial et historique de ce qui est en train de se passer, parce que finalement, il y a des gens qui ne sont pas du tout croyants. Bon, très bien. Mais en revanche, ils sont très attachés à tout ce patrimoine visible qui les entoure, qu'ils connaissent depuis toujours, parce qu'en se baladant dans une ville ou dans un village qu'ils aiment beaucoup, il y a une église qui est là, qui leur parle, ou alors un monastère, etc. Bah, tout ça est sur le point d'être livré à une basse humanité venue d'Afrique. C'est en cours, c'est ce qui se passe. C'est tout de suite, c'est sous nos yeux. D'accord ? Et il n'y aura pas d'opposition de l'Église catholique ni du clergé. Au contraire, c'est tout l'inverse. Ils hâtent le mouvement. Et j'aimerais que, quand même, les gens en prennent la mesure. J'aimerais que les gens en prennent vraiment la mesure. C'est de l'appropriation culturelle, si je peux me permettre. Non seulement ça, Pierrot, mais en plus, il y a une escroquerie absolue. Parce que, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est en train de se produire ? Comme les évêchés n'ont pas assez d'argent que pour entretenir les églises et les lieux de culte, il y a énormément d'églises qui sont en train de se faire désacraliser. Alors, je ne reviens plus sur le nom exact, mais en fait, il y a des familles qui ont versé des sommes considérables aux évêchés pour que chaque messe pour les morts les morts de leur famille. Ça s'appelle, je ne reviens plus sur le nom latin exact, mais en fait, ces messes doivent se faire dans la paroisse de ces gens. Or, quand tu désacralises une église, il n'y a plus cette paroisse. Et soyons très clairs, tu as des familles chrétiennes qui ont versé, parce que c'était des grands capitaines d'entreprise, qui ont versé des sommes absolument considérables, de plusieurs millions, dans certains cas même, c'était des millions de francs or qui ont été versés, et quand tu as désacralisé cette église, c'est fini, tout ça c'est parti dans les limbes. Par contre, le pognon, rassure-toi, il reste à l'évêché. Hein. Alors, monsieur, je vous propose de passer à la rubrique numéro 2, miracle de l'éternégritude. Nous allons toucher au sacré, à la nouvelle forme du sacré. Vous allez voir, c'est absolument saisissant. Je sais que Derek ne restera pas insensible, d'ailleurs, à l'activisme de ces apôtres. Et c'est un article de la Nouvelle République. Alors, je vous livre cette magnifique histoire, vous allez voir, c'est très intéressant. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir m'exprimer. Je suis ici pour m'expliquer calmement, avec précision. J'y suis prêt. À l'ouverture de son procès devant la cour d'assises d'appel du Cher, qui le juge depuis lundi et jusqu'à ce jeudi pour un viol, deux viols aggravés en récidive, et une agression sexuelle, Jacques Mbakam s'est dit désireux de progresser vers la vérité des faits. Il est grand temps. Toujours, il louvoie et se défausse. Pour ces mêmes faits, la cour d'assises de l'Indre l'avait condamné en mars 2019 à 25 années de réclusion criminelle, dont 16 ans de peine de sûreté. En appel, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Pourtant, à rebours de ses bonnes intentions, Jacques Mbakam, 69 ans, aura passé la journée de lundi à louvoyer, à se défausser. Bref, à esquiver cette fameuse vérité. Aux questions les plus simples, il n'a pas su ou voulu apporter la moindre réponse claire. Il est établi solidement qu'il est né au Cameroun, dans un village de l'Est. Son père, un notable, l'a envoyé à Douala, la capitale, à 15 ans. En 1971, le voilà en France, marié et père d'un enfant. Il en a 5 aujourd'hui. Il a 20 ans. En 1987, il soutient une thèse en économie politique. Dans l'intervalle, lui demande le président Pignou, « Vous avez vécu de quoi ?» La cour attend toujours la réponse. Car sa trajectoire de vie est si pleine de trous et de zones d'ombre qu'elle ne laisse qu'une pénible impression de flou. Sa vie professionnelle ? Mystère. Jacques Mbakam est retraité, mais de quoi ? Il évoque des études universitaires, tous azimuts, des diplômes en droit, en sciences sociales, se présente comme chercheur, philosophe, anthropologue, chargé de diverses missions de conseil, toutes bien fumeuses. Évoque encore des activités politiques dans la mouvance de l'opposition camerounaise. Le tout est évidemment invérifiable. Ce qu'on sait, il a vécu à Paris et dans l'Oise, puis s'est établi dans l'Indre, à Buzançais, puis Vendeuvre, où l'essentiel des faits a été commis selon l'enquête. Et aussi, et surtout, en février 1997, la cour d'assises de Paris l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur de 15 ans. Ce qu'il niait déjà et nie toujours, dénonçant une vengeance politique. Il parle beaucoup, a résumé un expert psychologue. Il emmène son interlocuteur dans une sorte de spirale de mots et ne fait guère de place à l'écoute. Chaque intervention durant ces deux premiers jours de Jacques Mbakam est venue confirmer ses propos. Alors, je vous propose de revenir aux sources des faits qui se reprochaient à M. Mbakam. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. C'est un autre article, toujours de la Nouvelle République, qui nous en donne le détail, et vous allez voir, c'est édifiant. Alors, je relis cet article qui est précédent, hein, bien sûr. Imperturbable. Jacques Mbakam l'est demeuré hier vers 19h40 lorsque le président Luc Sarrazin, après 3 jours de débat et 5 heures de délibération, a prononcé le verdict. Vu l'état de récidive des faits, donc comme le dit l'article précédent, c'était en 1997, la cour vous condamne à 25 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 16 ans. Ça, c'était en première instance. L'article précédent parlait donc de l'appel, bien sûr. Bien avant, dans la matinée, les 3 avocats des parties civiles, maître Sandrine Barré, Delphine Debord-Guy et Michael Villemont, avaient trouvé les bons mots pour rappeler le traumatisme de leur cliente. 4 jeunes femmes, vulnérables, dont Mélina, qui s'est retrouvée piégée au domicile de cet homme de 30 années, son aîné, s'étonne Sandrine Barré. Et puis, il y a Élise, à laquelle il affirme être guérisseur, et parvient à l'emmener chez lui à Buzançais. « Je vais te soigner !» Je pourrais même le faire avec l'accent. « Je vais te soigner, là !» La suite, on la connaît. Il y a aussi Émilie. « Elle est fragile, » indique Delphine Debord-Guy, « et reste une proie idéale. Elle fume une cigarette à la terrasse de pâte à pain à Châteauroux. Donc c'est un, vous avez compris, un établissement, quoi. Il l'aborde et lui dit ce qu'elle veut entendre. Elle n'est pas bien et lui assure qu'il va la délivrer de ses cauchemars. Il se retrouve dans sa voiture, située dans un parking du centre-ville. Il tente de l'embrasser et lui touche le sexe. Elle le repousse. Il y a aussi Jessica, défendue par Michael Villemont. Il l'a repérée seule à la gare de Châteauroux. Elle a ses bagages et semble perdue. Par quelques belles phrases, il parvient à l'entraîner chez lui à Vendeuvre et lui impose deux actes sexuels non consentis, répétera la victime. « Consenti !» martèle l'accusé. Ce dernier, s'appuyant sur le fait... C'est ce qu'il a dit, ce sont ses déclarations. Hein, donc, l'opposant, guérisseur, philosophe, anthropologue, chercheur en sciences sociales, à l'explication, il dit, voilà, je l'avais rasé et lubrifié avant la relation. Preuve donc du consentement. Pour l'avocat général, Laetitia Biardot-Schwok, ces jeunes femmes ont parlé de choses intimes, traumatisantes, honteuses. Mais la honte devrait être plutôt du côté de l'accusé. Et, s'adressant à la cour, là c'est le magistrat qui s'exprime, « Votre décision doit rétablir les choses. Il s'est bien rendu responsable de 3 viols et d'une agression sexuelle, et les victimes qui ne se connaissaient pas évoquent toujours le même mode opératoire, autant pour des faits qui se sont passés à Paris, Buzançais ou Vendeuvre, au domicile successif de l'accusé. » Dans tous ces cas, c'est encore le magistrat qui s'exprime, elles se sont senties prises au piège dans leur propre corps. Je demande 25 ans de réclusion criminelle. Sur le banc de la défense, maître Henri Hermeneux du barreau de Paris rappelle que Jacques Mbakam est une personnalité atypique. Outre le fait de se dire avoir été proche du président François Mitterrand, il vient d'une culture où on entreprend d'aller vers l'autre. Il cherche cela pour fuir son propre isolement, et cela a été le cas avec ses femmes. Des victimes aux déclarations pas toujours cohérentes. Jessica se trompe notamment sur les horaires. Quant à Émilie, selon l'expert, elle est capable d'affabulation. Et enfin, Mélina ne se souvient plus précisément de la date des faits ni des lieux en région parisienne. Elle évoque un immeuble alors que Jacques Mbakam demeure dans une zone pavillonnaire. Des paroles contre une parole. Puis le président, ses deux assesseurs, ainsi que 3 hommes et 3 femmes formant le jury, ont tranché tard hier soir. Ce sera 25 ans de réclusion criminelle. Toujours imperturbable, le condamné a désormais 10 jours pour faire appel. Il fera appel et ce sera donc l'occasion de l'article que nous avons lu en premier lieu. Alors messieurs, nous avons affaire à une personne d'exception, hein, donc un proche du président Mitterrand, membre de l'opposition camerounaise. Hein, c'est un activiste camerounais qui lutte pour son... C'est sur son compte Twitter, hein, marqué combattant. Il appartient, je crois, au Front patriotique du Cameroun, hein, et il se définit lui-même comme un combattant pour la liberté, faut le savoir. Alors, Derek, bravo, quel allant, quel dynamisme dans l'évangélisation des masses, ça me transporte de joie. Ça avance, cette affaire. On avait tout à l'heure les nègres qui lisent des trucs, hein, pour évangéliser les vieilles blanches. Là, on a les nègres verbeux. Là, c'est une... Oui, j'ai bien aimé la formule. Une spirale de mots, dit le psychologue. c'est une formule qui s'applique strictement à tous les nègres. Hein. Enfin, pas tous, mais alors, enfin, le nègre verbeux, c'est une sorte de nègre particulièrement remarquable. Hein. Et là, on a un cas vraiment particulier, le type, c'est quand même assez mystérieux, hein. Et opposant politique, ça veut rien dire ça, hein. Opposant politique en Afrique, c'est juste qu'il n'est pas de la bonne ethnie. oui, c'est ça. C'est tout, quoi. Hein. J'ai démarqué, hein, il a quand même 5 gamins, et on ne sait pas de... Oui. On ne sait pas ce qu'il a fait entre 1971 et 1987. Voilà. Mais il est quand même retraité, ce qui veut dire qu'il perçoit une retraite. Hein. Il est retraité, ouais, il est retraité, mais peut-être le minimum vieillesse, je pense, enfin, je ne sais pas. Hein. C'est fascinant. Donc il a fait 5 négrillons. Négrillons ou peut-être des métis, je ne sais pas. Oui, on ne sait pas. Fulbert voulait prendre la parole, probablement pour défendre le nègre et pleurer, je ne sais pas. Non, je voulais demander à Derrick si, à son avis, le nègre verbeux n'est pas l'exact opposé du nègre à machette. Ah, oui, le nègre à machette, c'est vrai, il n'est pas pour le coup très, très bavard. Hein. Il sort du buisson, comme ça, et puis te hurle dessus, et puis te découpe. Ouais, c'est une forme de torture tout à fait différente, mais c'est une torture quand même. Hein. Est-ce que vous préférez la machette ou le bruit du nègre avec sa bouche? Ben, moi, les nègres qui parlent, c'est infernal. Il y en a de plus en plus à la télévision française. Je déteste ça. Un truc qui me tourmente depuis toujours, c'est le fait que ces nègres parlent français. Quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Ah, non, l'UPR est enthousiaste, le Rassemblement... Non, la droite française est assez enthousiaste, idée-là, hein, je veux dire... La droite souverainiste, souverainiste pour la souveraineté de la race juive et des nègres, hein, en fait. Ouais. C'est tout un programme. Spirale de mots. Serions-nous pris dans une spirale de mots en France? C'est par hasard. Oh là là. Bon, alors c'est très trivial comme histoire, mais malheureusement, c'est beaucoup plus commun qu'on ne croit. Hein. Il est anthropologue aussi, je crois. Anthropologue, chercheur en sciences sociales, oui. Philosophe, guérisseur. Économiste. Guérisseur, c'est avéré. Économiste, c'est plutôt une science juive. Hein. On trouvera des gens plutôt comme Jacques Sapir. Bon, c'est plus pour les rabbins, déjà. C'est une annexe de la yeshiva, mais... Enfin, je n'exclus rien. Hein. C'est peut-être un champ que... Il a fait une thèse en économie, je crois, c'est ça enfin, donc, c'est Oui, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc voilà quelqu'un, quand même, dont les autorités... Parce que, bon, le type est quand même visé par un truc. Voilà quelqu'un dont les autorités ne connaissent absolument rien. Ça, c'est fascinant. Hein. Ils ne savent absolument rien du type. Ils ne savent pas par où il est passé, ce qu'il a fait. Ils n'en ont pas la moindre idée. Oui, la sécurité sociale, je pense, ne dira rien par rapport à son boulot. Ces organismes-là sont bons juste à récolter les nègres pour leur filer des sous. Quoi. Ah bah tiens, pendant que tu me parles ça, j'ai appris cette semaine, j'étais très, très satisfait. Oui. Par le magistrat, là, monsieur Charles Pratt. Charles Pratt. Ouais. Oui, que nous avions un ministre comorien qui touchait le RSA en France. Ah bah oui. C'est impossible. Il y avait des djihadistes aussi, un des fondateurs de l'État islamique en Syrie, oui, belge. Ça, c'est bien la moindre des qui choses. Qui était venu en 2015, pendant les attentats de Charlie Hebdo. Il s'est fait ouvrir une... c'est un belge. Un numéro de sécu, voilà. Bon, bah, tout va bien, quoi, l'État français, pourvoit, hein. Non, attends. On va y revenir dans la deuxième partie d'émission, mais Macron a dit qu'il allait lutter contre le séparatisme. rassurez-vous, tout va rentrer dans l'ordre. Ah là là, en tout cas, Jacques Mbakam a... Ah bah, il a laissé un souvenir impérissable à un certain nombre de Françaises, en tout cas, ça, on pourra le reconnaître. Noté qu'il s'appelle Jacques, hein, donc... Prénom français. Ce n'est pas Mamadou, hein, donc... Non, mais il faut le souligner, parce que, je veux dire, Éric Zemmour nous dit qu'à partir du moment où tout le monde porterait un nom français, tout irait mieux. Ah oui, ouais. Si Éric Zemmour le dit, c'est que c'est vrai. Hein, c'est que c'est vrai. Bah ouais, bien sûr. C'est notre champion, hein, de la droite. Diabolique, si tu voulais apporter un petit sentiment de culpabilité, peut-être, je ne sais pas. Monsieur le Président, Monseigneur, Messieurs les jurés, vous voudrez bien noter que mon client est quand même dans les petits papiers et les relations du feu, le président Mitterrand. Voilà, là, c'est ce qu'il dit. De la relaxe. Hein. Ça, c'est ce qu'il dit, hein, je veux dire. Oui, tu as bien compris que. Encore que. C'est possible. Encore hein, que. Peut-être sa femme, la femme Mitterrand était une fanatique du nègre. Ah oui, c'était la papesse de la négrification. Des villages entiers de nègres importés dans l'Île-de-France. On ne dit pas la femme de Mitterrand, on dit la cocu de Mitterrand, c'est pas la même chose. Oui, ça c'est toutes les femmes de président, c'est un petit peu normal. Oui, c'est dans le protocole à ce stade. Hein. Comment dire Oui, la femme de Mitterrand était une forcenée de l'immigration. D'ailleurs, la concubine de François Hollande, qui eut un temps sévi dans les médias. Comment s'appelait cette... Valérie Trierweiler, oui. Vous vous rappelez des parce que vous savez, oui, des nègres sur la plage. Oui, elle a voyé. Alors vous savez, parce que toutes les alors en plus c'est même pas la femme. François Hollande n'a même pas eu l'élégance d'avoir une femme, comment dirais-je, avec laquelle il était marié pour occuper la fonction de femme du président de la République. C'est quand même assez affligeant. Donc en fait, en même temps. Non, mais il avait une copine. Voilà. Oh, donc non, il avait une copine. Et sa copine, Trierweiler, qui avait pourtant un bureau avec une des lignes de crédit et tout, aux frais des Français, essayait d'occuper un peu l'espace médiatique, de montrer qu'elle avait une forme d'utilité. Alors, quelle était, d'après elle, la meilleure façon de démontrer son utilité? Envoyer des bordées et des bordées de nègres d'Île-de-France à la mer en Normandie. Donc, c'était le débarquement à l'envers. Hein? Il n'y avait pas eu de sinistre pareil depuis le naufrage de l'Erika. Hein. Tout à fait, mais ça c'était sur les côtes bretonnes, etc. Mais enfin bon, ne désespérons pas des Bretons, ils devraient pouvoir récupérer le tir. Non mais c'est... Ah, je me rappelle, etc. Mais d'ailleurs, il y a des photos d'elle en Afrique, là, seins nus, elle est au milieu des négresses. Ouais, elle danse à moitié, là, comme une ouais, coquille. Ouais, elle est enthousiaste, enfin, tu sens qu'elle a... L'Afrique ou en France? C'est sûr que c'est une de France. Enfin, c'est difficile à distinguer. Ouais, alors bon, c'est vrai que c'est en noir et blanc, mais c'est vrai que c'est difficile à déterminer tout de suite, comme ça. Faudrait se renseigner. Excusez-moi, mais j'ai une question pour Monseigneur Déric. En fait, il a été condamné à 25 ans de prison. Ouais, 16 de sûreté, hein. Si dans sa cellule, brusquement, il redécouvre Dieu et devient prêtre, aura-t-il droit à une petite église de province et une libération conditionnelle? Mais il n'a jamais cessé de croire en Dieu. Bah, il incarne. Hein, il est, quoi. Et précisément! Il était en plein sacerdoce. Dans son curriculum vitae, il n'est pas prêtre. Il faut qu'il le devienne. Non, mais il n'est pas prêtre de l'Église catholique. Mais c'est marqué, il est philosophe, guérisseur. Il est affilié. J'ai envie de vous dire, hein, Jacques Mbakam ne prétend pas. Il l'est. Il est. Voilà. Excellent. Yes, oui, là. Oh là là. Il ferait un très beau cardinal. Oh, mais il pourrait faire roi, hein. Je pense. Enfin, il s'appelle Jacques déjà, donc il est français, donc ça n'est pas de... Très bien. Louis 21. Ouais, Jacques 1er. Ah oui. Oui, faut voir grand. mais je vois ça. Impossible d'être pas français. Hein. Ah tout à fait. Ah oui, d'accord. Non mais là, oui, tu m'as conquis là. Ah oui. Jacques Ier. Ah ouais. Roi des Francs. Ah bah oui. Encore au Brexit. Tout à fait. Pas de problème. Formidable. Ok, très bien. On garde l'idée pour plus tard. Très bien, formidable. Alors, messieurs, allons vers la Belgique, là. Oui, nous avons des participants qui ont des explications à fournir, là, sur les derniers développements. Non, mais vraiment. Alors, donc, rubrique de autisme radical, pour la première fois en Europe, alors je cite un article là, de CNews, hein. Alors, le Fox français, j'ai entendu dire, Fox News français, je savais pas. Alors, pour la première fois en Europe, une femme trans accède à un gouvernement, une petite révolution dans la communauté LGBT+. Petra de Sutter, 57 ans, fait partie du gouvernement belge fraîchement nommé alors que le pays n'était plus dirigé depuis plus d'un an et demi. Députée européenne, alors avant, pour que les gens comprennent bien, c'est un mec, hein. Donc je lis l'article de CNews, mais il a des attributs masculins, n'est-ce pas? Voilà. Charles Branson. Alors, donc députée européenne depuis un an. Elle a donc dû quitter le Parlement pour devenir vice-première ministre de Belgique. Elle aura également la charge des entreprises publiques et de l'administration publique. Je suis incroyablement reconnaissant de la confiance que j'ai reçue de mon parti. À défaut du peuple, j'imagine. La nuit dernière, j'ai reçu le feu vert pour participer à un nouveau gouvernement. Maintenant, je vais faire tout mon possible pour relancer notre pays et travailler à un nouveau futur pour tous les Belges avec ce gouvernement, a tweeté Petra de Sutter jeudi. Très appréciée de ses collègues au Parlement européen, la nouvelle vice-première ministre sera regrettée du côté de Bruxelles, hein, qui se situe aussi d'ailleurs en Belgique. Où elle siégeait à la direction de la, commission pardon, du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Mais c'est bien pour ses combats pour les droits des femmes et des personnes LGBT+, qu'elle s'est fait connaître, et bien au-delà des frontières belges. Petra de Sutter est gynécologue de profession. Ses travaux dans le domaine et sa connaissance sur la fertilité étaient connus dans le monde entier. Elle s'engage aussi sur les sujets de santé sexuelle, notamment pour ce qui est des personnes trans, donc du travelot, quoi, dont elle est devenue une icône. Le choix du nouveau Premier ministre Alexander De Croo de la nommer à un tel poste de responsabilité ne surprend pas en Belgique. Ouais, ça surprend pas la Belgique. Car en 2011, déjà, le pays avait à sa tête un chef de gouvernement ouvertement homosexuel. En la personne d'Elio Di Rupo. Ah oui, ah, lui, ça, c'est l'avant-garde du Parti Socialiste Belge. C'était là encore une première en Europe. Bah, décidément, mais là, il n'y avait que des premières en Belgique. Alors, je me tourne. D'ailleurs, pardonnez-moi la facilité, mais je suis obligé. Vous êtes aussi le premier pays à avoir ouvertement, pratiquement avoué en place publique que la totalité de vos élites étaient commises dans des affaires de pédocriminalité dans les années 90. Donc je vois que la Belgique ouvre la voie, apparemment. Alors, est-ce que vous avez forcément quelque chose à en dire ? Alors je vous donne la parole. Qui veut répondre en premier ? Ouais, bon, ben, voilà. Oui, je sais pas, mais effectivement, on est premier en beaucoup de choses. Hein. Rappelez-vous, on était même premier au nombre de morts du coronavirus il y a deux ou trois mois, ce qui avait fait réagir M. Trump, d'ailleurs, et ses ennemis. Mais bon, Petra de Sutter, oui, effectivement, c'est pas n'importe qui, hein. Ça c'est clair. Bon, elle a ce travers, c'est le cas de le dire, mais bon. Je ne la défends pas, hein, ne croyez pas ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble du paysage politique, ça révèle de plus en plus qui sont les élites en Belgique. En plus, elle apparaît dans un gouvernement qui est un gouvernement, je dirais, taré dans le sens mécanique. C'est-à-dire qu'on a forcé, avec des partis politiques nombreux, à former un gouvernement afin d'empêcher les nationalistes, je les appelle grossièrement comme ça, c'est pas tout à fait exact, mais les nationalistes flamands de participer au pouvoir, parce qu'ils sont très puissants. N'oublions pas que c'est quand même la NVA qui est, à ma connaissance, le premier parti de Belgique. Mais le système belge, le fédéralisme, la séparation des élections, de toutes les élections finalement, même les fédérales, fait que, bon, ben, on se retrouve dans des situations pas possibles. Ça, c'est certain. Et donc, on a mis au pouvoir des gens qui sont à la motte. Alors, oui, disons simplement pour les Français qui comprennent pas le système politique belge. Bon, en gros, hein, donc le système est fondé sur trois communautés, mais il y en a deux principales. Donc, il y a les Flamands au nord, dira-t-on, les francophones au sud, pour faire court, et une petite minorité germanophone. Et ce que tu appelles le fédéralisme, en fait, c'est le fait, pour chaque communauté linguistique, d'élire leurs propres exécutifs régionaux, ou voilà, enfin, de leur territoire. C'est-à-dire que les Flamands votent en Flandre pour des partis flamands qui vont administrer les affaires intérieures de la Flandre, idem pour la Wallonie. Le cas bruxellois est un peu à part, puisque bon, c'est une ville, mais à la fois capitale de l'Europe, bon, c'est un peu spécial, on ne va pas y revenir, et idem pour la minorité germanophone. Mais il y a un gouvernement central belge qui représente toute la Belgique, et c'est là que tu dis que finalement, il y a une lutte d'influence permanente, puisque si en Flandre, un parti émerge, comme c'est le cas, hein, puisqu'on a vu La NVA reste le premier parti de Flandre, un parti, on va dire, de centre-droit, aux accents nationalistes, enfin bon, voilà, pas trop marqué. Conservateur, fortement. Conservateur, voilà. On a aussi le Vlaams Belang, hein, qui représente là, pour le coup, les indépendantistes flamands, qui sont des gens de droite nationaliste, enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Donc, ce bloc-là représente quand même, bon an, mal an, 40%, plus de 40% de l'électorat flamand. Et ce bloc, eh ben, il faut, si on doit former un gouvernement au niveau belge, il n'y a pas, pour que les Français comprennent, il n'y a pas des élections législatives sur toute la Belgique. Il faut passer par les partis qui sont élus dans les, par les communautés linguistiques. Donc, si les nationalistes flamands arrivent en tête en Flandre, c'est avec eux qu'on est censé discuter. Et là, ce que tu nous expliques, c'est que on peut mettre en minorité ces nationalistes, même s'ils sont très puissants, à condition d'aller démarcher toute une série de gens minoritaires en Flandre, mais qui pourront, au niveau belge, former une majorité. Ça donne cet aspect un peu bordélique du système, et aussi sa grande précarité, parce que finalement, on peut faire tomber un gouvernement très facilement. Il suffit qu'il y ait un partenaire de la coalition qui se retire, et tout d'un coup, tout le gouvernement s'écroule, et ça met un an et demi avant de trouver un nouveau gouvernement. Alors pour les Français, ce qu'on dit là, ça paraît vraiment confus, mais ça permet à des ahuris comme ça d'émerger. Pas si ahuris que ça, attention. Non, c'est un fait. Bon, effectivement, on se retrouve maintenant en Belgique donc avec un gouvernement qui est composé de partis comme le Parti Socialiste qui a perdu Flamand et Wallon, hein, les deux ensemble. Le Parti Socialiste qui a perdu beaucoup de plumes ces deux dernières décennies. Avec les libéraux, c'est pareil, hein, ils sont beaucoup moins puissants qu'auparavant. Nouveauté, il y a les Verts qui arrivent, aussi bien wallons que flamands aussi, comme les Bleus. Hein, les Bleus sont les libéraux. Qu'y a-t-il encore ? Il y a les anciens socio-chrétiens wallons qui sont devenus le centre démocrate et humaniste, on vous donne une petite idée de leur nouvelle tendance, etc. etc. Maçonnique, quoi. Et il y a aussi un truc en Wallonie, il y a aussi un truc qu'il faut quand même souligner, parce que en gros, hein, il y a deux tendances de fond qui sont très marquées, c'est-à-dire que la Flandre tend vers la droite et vers le nationalisme d'une manière générale, alors que la Wallonie vers la gauche. Tend vers la gauche, mais même vers l'extrême gauche, parce que il faut le souligner, parce que peut-être que nos auditeurs le savent pas, le Parti des travailleurs belges, ou Parti du travail belge, PTB. Le PTB est un parti bolchevique. Tout à fait. C'est pas une formule que je dis comme ça pour amuser la galerie. Un parti dont les fondements et dont les doctrinaires, il y avait Hugo Martins, pour ceux qui connaissent pas, Hugo Martins c'était une des figures un des doctrinaires du Parti du Travail de Belgique. Ce sont des doctrinaires marxistes-léninistes, ce sont des staliniens purs et durs. En tout cas, il était-il jusqu'à une date pas si lointaine. Oui, je tiquais un peu sur le mot bolchevique parce que, bon, moi, je pars de l'idée, fausse ou non, que le bolchevisme, c'est le communisme jouisse. Mais bon, tu as très bien expliqué la chose, c'est juste. Bon, on se retrouve avec tous ces gens-là, et les Verts aussi, hein, qui sont des cocos de la plus belle eau. Hein. On se retrouve avec tous ces gens-là pour diriger le pays. Et il ne faut pas oublier une petite chose qui a déjà été largement, je crois, expliquée précédemment dans l'émission, c'est que cette situation résulte de la désertion du premier ministre du dernier gouvernement, ou de l'avant-dernier si on veut être précis, de l'avant-dernier gouvernement belge, avant que ce gouvernement tombe en affaire courante. C'était Louis Michel qui est issu d'une famille dynastique de la politique belge francophone, et que ce type a fait tomber son gouvernement en allant signer le pacte de Marrakech contre l'avis de tout le reste du pays, politique et électeur, hein, et l'électorat. Bon, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs c'est Louis Michel ? Charles Michel. Ça n'a pas empêché Charles Michel d'être bombardé à la tête de, comment dirais-je, de, du Conseil de l'Europe, ouais, président. Il est un fait que c'était sa récompense. Le type s'est tiré pour aller chercher le gros lot, en fait. Il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est le type maintenant qui se cogne le coude, Covid oblige, avec Ursula von der Leyen. Mais bon, c'est le bordel. Je n'ai pas d'autre nom, c'est le bordel en Belgique. Et franchement, même si les Belges sont habitués à ce genre de situation, je crois que de gouvernement en gouvernement, la situation se, en mes yeux en tout cas, se détériore. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je ne la sens pas bien. Mais si je peux me permettre, Fulbert, ils ont bombardé Premier ministre Alexander De Croo. Alors, De Croo père, c'était lui qui, il y a un an et demi, avait gentiment expliqué au bourgmestre, enfin au maire de la ville d'Anvers, Antwerpen en flamand, que les procédés de la NVA étaient des procédés fascistes et que de toute manière, ils n'arriveraient strictement à rien parce que la natalité et le flux migratoire feraient que la ville d'Anvers serait à 5 ans une ville blanche minoritaire. Je me rappelle parfaitement ces déclarations. Anvers. Parmi les enfants de 1 à 6 ans, 78% sont de parents allochtones. Nous devons vivre ensemble. Nous devons demander eux aussi qu'ils méritent la citoyenneté qu'ils vont par le travail, par l'étude, par leur courage recevoir. Mais si vous croyez qu'un de Winter ou un de Weaver dans 25 ans à Anvers aura encore le langage du moins l'un des deux à aujourd'hui, vous vous trompez. On a foutu son fils Premier ministre, c'est-à-dire qu'on a foutu le fiston du baron de Leuven, de Louvain, Premier ministre. Alors, Pierre-Yves Dermagne, sincèrement, je ne connais pas, c'est une nouvelle tête qui vient d'arriver, ministre de l'économie et du travail. Bon, l'économie en ce moment en Belgique, ça relève du fantasme. Et alors le travail, si vous en trouvez, téléphonez-moi. Alors, ça relève. La précédente folle dingue, Sophie Wilmès, la Youp. Ah oui, il y a une Juive, oui. Elle est en ce moment vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales. Alors ça, c'est quand même le pompon, puisque la boucle est bouclée. Tu ne peux pas être ministre des Affaires étrangères sans être en même temps ministre des Affaires européennes, puisque tu ne peux rien faire au niveau économique sans que Bruxelles, enfin, sans que l'Union européenne ne vienne faire son petit pipi. Georges Guilquinet, aucune idée, vice-premier ministre et ministre de la mobilité, ils sont tous vice de quelque chose. Le vice et la vertu, enfin la vertu, j'ai des doutes, mais le vice pour l'instant en Belgique, ça a le pompon. Vincent Van Petegem, il est relativement connu, il avait grenouillé dans différents styles de gouvernement, vice-premier ministre et ministre des Finances chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Bon, faut arrêter de rigoler les gars, hein, parce que tous les Belges ont un compte derrière les sapins, à savoir au Luxembourg, et les échanges qui se font, effectivement, ils se font, mais personne ne bouge. Donc ça va pas changer grand-chose. Frank Vandenbroek, connu, vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Ben, les affaires sociales et la santé publique, c'est exactement la même chose qu'en France. C'est-à-dire qu'on soigne des gens qui sont à Katmandou, qui sont au Congo, qui sont au Biafra, qui sont partout. On le fait avec le pognon des Belges. Faut rester zen, c'est normal. Petra de Sutter, vice-première ministre et ministre de la fonction publique et des entreprises publiques. Bon, ben ça, c'est le transgenre de service, je veux bien. On a gagné le pompon, on avait déjà l'autre fiote d'Elio Di Rupo. Faudrait les paxer l'un l'autre. S'ils font des mômes, j'en voudrais un pour pouvoir le déposer dans un bocal de formol, histoire de voir sur la cheminée, ce serait sympa pour la décoration. Vincent Van Quickenborn, alors lui aussi, c'est le grenouilleur de première, vice-premier ministre et ministre de la Justice chargé de la mer du Nord. Alors franchement, les gars, excusez-moi, mais être vice-premier ministre, encore un, hein, ils le sont tous, ministre de la Justice, je peux encore comprendre, mais pourquoi ils lui ont rajouté le portefeuille de la mer du Nord, ça, quelque part, je sais pas. C'est assez curieux. On dirait l'économie que je mets sur un CV, quoi. Voilà, essayons de voir le garde des Sceaux en France chargé de, je sais pas, moi, du secours de la SNSM. Bon, je pisse pas. Bah, alors, c'est probablement pour envoyer un signal par rapport aux douanes ou au contrôle des ports ou un truc comme ça. Peut-être, oui, je sais pas. Mais non, parce que là, on l'aurait foutu à l'intérieur. Bah, va savoir, mais c'est peut-être pour foutre son nez dans les ports, hein, à mon avis. Hein. Ouais. Alors, David Clarinval, ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique. Le renouveau démocratique. Putain, vous avez un ministère du renouveau démocratique? Mais oui, mon ami, mais oui. Tous les jours, tu vas te prendre ta petite cuillère de nègre. Avant, c'était de l'huile de foie de morue, mais non, c'est de la cuillère de nègre. Ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME, ben, il n'y en a quasiment plus. Il n'y a plus que les bougnoules qui sont suffisamment cinglés pour avoir envie d'ouvrir une entreprise dans le bordel belge pour se faire taxer à 53%. Alors, Karine Lallieu, alors là, ça, c'est le top, ça. Karine Lallieu, c'est la connasse du Parti Socialiste qui est intervenue à fond les manettes dans l'affaire Dutroux, qui est intervenue à fond les manettes dans des trucs de prostitution, qui, elle, à une certaine époque, dès qu'elle pouvait s'arranger pour envoyer du pognon au Congo, au Botswana, à Cuba, ils avaient rénové tout un truc à l'époque de Fidel Castro à Cuba, ça a coûté des millions au gouvernement belge, ça s'est révélé être une fraude fantastique, et tous ces gars-là, c'était des socialos. Alors elle, Karine Lallieu, elle est ministre des pensions, donc des retraites pour vous en France, et de l'intégration sociale. Là, elle va avoir du boulot. Chargée des personnes handicapées et de la lutte contre la pauvreté. Alors là c'est le pompon, parce que chargée des personnes handicapées, il faut savoir qu'on a accueilli en Belgique une quantité invraisemblable de nègres victimes des différentes guerres possibles ou imaginables, qui ont perdu un bras, une jambe, un œil. Et tous ces gugus sont à la charge de qui ? Du con-tribuable. Le con-tribuable, c'est nouveau dans le dictionnaire, c'est très français, je suis désolé, le con-tribuable, c'est un petit animal fort sympathique qui passe son temps à cracher du fric au niveau du ministère des Finances pour pouvoir abreuver tous ces chieurs et ces gens qui ne foutent strictement rien. Et alors attention les mecs, le pompon, Ludivine de Donder, ministre de la Défense. Une bonne femme, très bien. Les armées, c'est toujours des bonnes femmes. Voilà. Alors, ah, je suis. Là, je suis conquis par la démocratie, moi. Là, c'est une belle équipe, une équipe de choc. Attendez, les mecs, c'est pas fini. Ne croyez pas qu'on va s'en tirer à si bon compte. Ceci dit, je serai le chef d'état-major en ce moment. Je sors mon gun et je m'en tire une dans le crâne. Mais bon. Je sens que l'armée belge va updater d'un level, ça va être particulièrement sympa. Alors bon, maintenant on arrive dans le top du top. Zakia Khattabi, ministre du climat, de l'environnement, du développement durable et du Green Deal. D'accord. Ouais. Il y a un Irakien qui est chargé de l'asile et de la migration. Ah oui, vous avez mis un Irakien au niveau de l'immigration ? Sami Mahdi, oui, il est d'origine irakienne. Ah ouais ? Bon, bah au moins c'est géré entre eux maintenant, c'est ça qui est bien. Ouais. Là, les Belges sont plus trop concernés à ce stade de toute façon, hein, c'est plus vraiment leurs affaires, donc voilà, bah écoute, bon, je rigole, mais attention, hein, il est bien clair que dans 5 ans, c'est le régime en France. Hein. Bon, voilà, c'est à peu près 5 ans, oui, 5 ans, plus ou moins, quoi. Tout ça me fait penser que c'est un rappel qu'aux États-Unis, dans une ville du Minnesota, je saurais plus vous dire laquelle, oui, il y a un chien qui est élu maire de manière régulière. Ah, ça se passe très bien en fait. Voilà. Ah, ça, c'est ah oui, non, hein, c'est ça, ouais. Sérieux ? La démocratie, en fait, vous mettez un chien, vous mettez personne, hein, en fait, ça se passe très bien, pas besoin de gens. Hein. Ah oui, alors ça, je voulais quand même revenir sur un point, cher Fulbert. Au fond, quand vous restez comme ça pendant un an et demi sans gouvernement officiel, est-ce que c'est pas mieux que d'avoir un gouvernement démocratiquement élu, comme on dit, même si c'est le fruit d'une négociation croisée entre partis, qui accouche d'une telle équipe ? Qu'est-ce que... Il y a peut-être là un message qu'il faudrait faire passer en Belgique, non ? Finalement, est-ce que c'est pas mieux sans gouvernement ? Je ne sais pas. Honnêtement, je voudrais te dire oui, parce que pour nous, ça, les gens du peuple, ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais techniquement, je suis incapable de répondre, parce que là, c'est de la politique constitutionnelle, et je t'avoue ma grande ignorance en ce domaine. Bon, écoute... En tout cas, je suis convaincu que nos auditeurs ont été absolument transportés de joie par tout ce qu'on vient d'entendre. Et voilà. Si vous avez un pays où vous voulez immigrer, vous avez compris, c'est en Belgique qu'il faut aller. Hein. N'est-ce pas, cher Debolix, hein ? C'est en Belgique qu'il faut... Je dois dire bien franchement que vont rester en Belgique les ultras, mais pas les ultra-orthodoxes, hein, les ultra-maso, ceux qui veulent véritablement se faire mal, ceux qui veulent servir de bac à foutre à la gente immigrée, ou ceux qui veulent payer des impôts à ne plus savoir qu'en faire, eux qui restent, ils vont être au top du bonheur. Mais j'aime autant vous dire que toute personne normale, avec un tout petit peu de cerveau, pas beaucoup, hein, rien qu'à voir la liste que je viens de citer, ils ont déjà leur billet d'avion. C'est à méditer, en tout cas, hein, c'est à méditer. Alors, ce sont les sales juifs de la semaine, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Je vais commencer avec la nouvelle de la semaine. Enfin, non, pas la nouvelle de la semaine, disons, dans le sujet qui nous intéresse, c'est l'affaire arménienne. Alors, comment dire, je conçois assez facilement que nos auditeurs ne soient pas très versés dans ce qui peut se passer dans la région caucasienne, hein, les contreforts de l'Europe, et ne se sentent pas a priori concernés. À mon avis, ils devraient quand même avoir un petit œil là-dessus, parce que y a des implications qui vont nous intéresser directement, je pense, à terme, puisque c'est une confrontation entre Turcs musulmans et Arméniens chrétiens. Et que nous avons... deux diasporas, turques et arméniennes en France, qui sont plus ou moins de taille égale. Et que la France, sous Macron, a adopté une position assez dure en Méditerranée orientale, sur la question de l'intégrité des frontières, notamment de la Grèce et de Chypre, car comme vous le savez, probablement, la Turquie d'Erdogan a décidé de se lancer dans une politique agressive contre tous ses voisins. Donc il a commencé avec la Syrie, ça c'est très bien documenté, il a soutenu une insurrection djihadiste là-bas. Plus récemment, il a basculé en Méditerranée orientale pour essayer de redessiner les zones maritimes avec ses états voisins que sont Chypre et la Grèce à son profit. Il a envoyé des djihadistes en Libye pour s'arroger une partie de la Libye là-bas. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il a aussi négocié avec le Niger, qui est juste en dessous de la Libye, donc un état noir très très pauvre. Il a négocié l'ouverture d'une base, et on sait que dans cette zone-là, dans la zone où fourçonnait Erdogan, l'État islamique est actif. Et on sait qu'Erdogan, qui justement est passablement gêné aux entournures par la coalition dessinée par la France de Macron, la Grèce et Chypre, a envie de rendre l'appareil à Macron, notamment au Mali, alors en soutenant comme par tous les moyens possibles l'insurrection djihadiste là dans le Sahel. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. Et donc Erdogan a décidé de s'intéresser à l'Arménie. Alors là aussi, très brièvement, parce que on va pas faire un cours de géopolitique, mais enfin, il faut quand même le savoir, Erdogan ne regarde pas que vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Méditerranée, vers la Grèce, vers Chypre, vers la Libye. Il regarde aussi à l'est, puisqu'il y a toute l'Asie centrale qui est peuplée de populations turcophones, musulmanes, jusque dans la province chinoise du Xinjiang, vous le savez, où se trouvent les fameux Ouïghours, dont Raphaël Glucksmann nous parle tant, et qui intéresse tellement la CIA, évidemment soucieuse de déstabiliser la Chine pour des raisons de compétition mondiale, d'accord ? Donc comme on est dans une nouvelle dynamique, notamment vis-à-vis de la Chine, avec les États-Unis, les lignes sont en train de se redessiner et nous allons voir des conflits comme ça s'activer. Et Erdogan sent bien qu'il a moyen d'avancer ses pions. Parce que il a deux projets, Erdogan. Il veut à la fois faire de la Turquie, si vous voulez, le pivot d'un nouvel empire ottoman, c'est-à-dire Erdogan veut refaire de la Turquie la puissance principale du monde musulman, en tout cas c'est l'idée qu'il a, donc une dimension sunnite, musulmane, islamiste, et une dimension nationaliste turque, on peut même dire raciste turque, qui là le pousse à l'est, c'est-à-dire de dire à d'autres peuples turcophones, voilà, la Turquie parle en votre nom, la Turquie va vous défendre, la Turquie vous soutient, etc., y compris jusqu'en Chine. Y compris jusqu'en Chine. Mais il y a un problème dans ce projet-là, donc ça, de sa volonté de créer une continuité, si vous voulez, géopolitique avec toutes ces républiques turco-musulmanes d'Asie centrale, c'est l'Arménie. C'est-à-dire que l'Arménie constitue un corridor terrestre qui empêche la Turquie d'avoir une continuité territoriale jusqu'aux confins de la Chine. Et on voit bien que Erdogan veut affaiblir l'Arménie en commençant par ses périphéries. Et c'est cette histoire de conflit-là qui implique l'Azerbaïdjan. Alors, en gros, l'Arménie, elle est encastrée entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Elle est au milieu des deux. Elle a une frontière au sud avec l'Iran, au nord avec la Géorgie, mais elle est prise en tampon entre la Turquie d'Erdogan et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, qui est un pays qui est turcophone et musulman, soutenu par Erdogan. Alors, le prétexte, c'est quoi ? Le prétexte, c'est qu'il y a un territoire, donc le fameux Haut-Karabakh, dont je pense vous allez entendre parler dans les médias, qui officiellement avait été donné par les Soviétiques, il y a un siècle, lors de la formation de l'Union Soviétique, à cette République soviétique de l'Azerbaïdjan. Bien. Quand l'Union soviétique s'est cassée la gueule, la République soviétique d'Azerbaïdjan est devenue l'Azerbaïdjan, mais les Arméniens se sont révoltés et ont fait sécession. Ils ont créé ce qu'on appelle donc une République indépendante du Haut-Karabakh, qui n'est pas reconnue, mais qui existe. Parce qu'évidemment, ces Arméniens n'ont aucune envie d'être dirigés directement par des musulmans turcs. Parce qu'il y a un siècle, ils les ont tous assassinés. Donc voilà la situation actuelle. Donc vous avez un vieux conflit interethnique entre Arméniens et Turcs. Vous avez un prétexte territorial qui est utilisé par Erdogan via son proxy azerbaïdjanais pour un projet beaucoup plus vaste qui consiste à se projeter vers l'Asie centrale, y compris jusqu'en Chine, très probablement avec l'accord de la CIA et des États-Unis. C'est à peu près certain, même si ce n'est pas revendiqué comme tel. Et pour ce qui concerne la France, puisqu'on a une minorité turque très, très, très mobilisée, très, très remontée, et aussi une minorité arménienne, et vu que la France est impliquée maintenant aux côtés de la Grèce, on va avoir de plus en plus de tensions. Et j'ai parlé du Mali, je serais pas surpris que dans les mois qui viennent, Erdogan commence à fourrer son nez très sérieusement dans cette région-là. Il le fourre déjà, mais qu'il le fourre déjà beaucoup plus. Donc, pour toutes ces raisons, si vous voulez, ça nous concerne. Ça nous concerne. Donc, on peut pas dire, oui, c'est pas par chez nous, on sait pas ce qui se passe, c'est compliqué, etc. Parce que, à partir du moment où Erdogan fourre son nez là-dedans, ça va nous retomber dessus. Alors, ça, c'est un préambule. Je ne sais pas si quelqu'un veut préciser quelque chose avant que je poursuive et que j'en vienne effectivement à l'implication juive. Quelqu'un veut-il dire quelque chose? Pas spécialement. D'accord. Bon, bah, alors, je passe donc à l'affaire elle-même. L'intervention israélienne. Alors, c'est très intéressant. Vous avez compris donc le contexte. Vous savez déjà quelle est la position de Macron, qui a adopté une position très dure hein, sur la question arménienne. Il a dit... D'ailleurs, il a pris fait et cause pour les Arméniens du Haut-Karabakh, et plus généralement pour l'Arménie, pointant du doigt le rôle d'Erdogan, allant même, fait rare, allant même jusqu'à dire qu'Erdogan acheminait des djihadistes au Haut-Karabakh, donc via l'Azerbaïdjan, pour mener le djihad contre l'Arménie chrétienne. Hein. Donc, il l'a fait à Bruxelles, en plus, Macron. Hein, il n'a pas fait un communiqué ou une petite déclaration dans son avion, etc. Il l'a fait formellement en conférence de presse à Bruxelles. Donc, il a vraiment... pour le coup, Macron a été assez loin dans sa prise de position. Et là, ça prend à rebours un autre État et d'autres intérêts, notamment Israël. Et vous allez voir, pas qu'Israël, les Juifs en général. Alors une dépêche Reuters tombe et nous explique que nous ne sommes pas les seuls nous ne sommes même pas du tout les seuls, c'est les premiers intéressés, les Arméniens, comprennent très bien ce qui se passe. Dépêche Reuters, voici ce que ça nous dit. L'Arménie a déclaré jeudi qu'elle avait rappelé son ambassadeur en Israël pour des consultations sur les ventes d'armes israéliennes à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a reconnu avoir utilisé des armes de fabrication israélienne dans ses combats avec les forces ethniques arméniennes autour du Haut-Karabakh, et de lourds affrontements cette semaine ont attiré les appels internationaux à un cessez-le-feu immédiat. Protestant contre les exportations d'armes israéliennes, la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Anna, alors pardonnez-moi, je ne parle pas arménien, hein, donc Nagadalian, ou Nagdalian, a déclaré « Le style de travail d'Israël est inacceptable. Le ministère arménien doit rappeler son ambassadeur en Israël immédiatement. » Le ministère des Affaires étrangères israélien a déclaré qu'il regrettait la décision de l'Arménie de retirer son ambassadeur. « Israël attache de l'importance à nos relations avec l'Arménie et considère l'ambassade arménienne en Israël comme un outil important pour promouvoir ses relations au bénéfice des deux peuples », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministère, pardonnez-moi, interrogé sur les ventes d'armes à l'Azerbaïdjan, une porte-parole du ministère de la Défense israélien a décliné tout commentaire. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, un important groupe de réflexion sur les conflits et les armements, Israël a fourni à l'Azerbaïdjan quelque 825 millions de dollars en armes entre 2006 et 2019. Alors en réalité, c'est beaucoup plus. Puisque l'Azerbaïdjan a annoncé très publiquement, et on l'a retrouvé dans la presse israélienne, ça, cette information, en réalité, l'Azerbaïdjan a acheté pour 5 milliards de dollars d'armement à Israël, dont d'ailleurs des drones suicides. Des drones suicides. Alors, des drones suicides entre les mains de troupes djihadistes, ça fait curieux, hein, mais en fait, pas tellement, quand on connaît ce qui s'est passé en Syrie. On y retrouve une méthode de travail effectivement israélienne, méthode de travail donc dénoncée à juste titre hein, par le ministère des Affaires étrangères arménien. Alors, comment dirais-je, les autorités azerbaïdjanaises reconnaissent tout ça. Ces exportations comprenaient des drones, des munitions flottantes, des missiles anti-chars et un système de missiles sol-air, selon les informations de la base de données du CIPRI, donc l'organisme cité voilà, norvégien, sur les transferts d'armes. Par ailleurs, dans un entretien vidéo avec le site d'information Walla d'Israël, mercredi, l'aide présidentielle azérie Hikmat Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan utilisait quelques drones de fabrication israélienne dans les combats autour du Haut-Karabakh, sans préciser combien. nous avons l'une des flottes les plus puissantes de la région, et parmi eux, nous avons des drones israéliens, nous avons aussi d'autres drones, mais surtout des drones israéliens, y compris des drones de reconnaissance et d'attaque, et des drones kamikazes AROP, qui se sont avérés très efficaces, a déclaré M. Agiev. Alors, c'est un peu technique, mais grosso modo, vous avez compris que Israël arme l'Azerbaïdjan, pays qui est aussi armé par Erdogan et qui a des buts stratégiques très clairs dans la région. Alors, je suis obligé de citer cette information avec une seconde information, qui est la publication dans le journal Libération, dont on a parlé la semaine dernière, puisqu'il a un nouveau rédacteur en chef qui n'est autre que Dov Alfon, ancien de l'armée israélienne, ancien du renseignement, service de renseignement, service militaire, israélien, voilà, et ancien rédacteur en chef du journal Haaretz, voilà, qui a publié, enfin qui a autorisé par la section antifasciste de Libération gérée par Pierre Plotu, que bientôt on ne présentera plus d'ailleurs, un article à charge contre les soutiens de l'Arménie dans ce conflit. Puisqu'il était dit que, grosso modo, soutenir l'Arménie, c'était appartenir à l'extrême droite. Voilà. Je résume de manière très rapide, très succincte, la portée du truc. À tel point que, dans l'article de Libération, le journal va jusqu'à dire, va jusqu'à qualifier de prétendue ambition néo-ottomane et impérialiste d'Erdogan. C'est-à-dire que dans l'article, on dit non, en fait, Erdogan, il a pas vraiment de nostalgie ottomane. C'est pas vrai, c'est faux. C'est écrit en toutes lettres dans l'article de Libération. On nous dit non, Erdogan, il a aucune ambition néo-ottomane. Moi, je sais pas où ces gens se. Je sais pas où ces gens. C'est pas du révisionnisme, c'est du négationnisme pur. Ah oui, bah, pur. Là, c'est de la mauvaise foi. Bon, même les gens du centre. Même les gens de gauche, hein. Oui, même les gens de gauche, je pense, la plupart disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi, hein. Bon, ils savent que. Cet article a tellement raté son objectif, ils ont été obligés de l'enlever. Alors, ils ont dit qu'ils allaient le remettre en ligne. Ils ont été obligés de l'enlever. Oui, c'est rarissime qu'un journal comme Libération se déguise. Hein. C'est rarissime. Ils ont reçu une telle quantité de sauts de merde. De l'extrême gauche à l'extrême droite, ils ont été obligés de reculer, il n'y avait pas d'autre solution. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Libération s'est lancé tête baissée dans ce soutien aveugle à Erdogan, dans un conflit pareil, surtout avec la dimension que ça recouvre, parce que les Arméniens ont un passif avec les Turcs, et Erdogan est quelqu'un qui dit que le génocide arménien n'a pas existé. Bon, c'est son point de vue, mais il affirme et dit que ça n'a pas existé. Bien, en France, tout le monde tient ce génocide pour réel. Tout le monde dit que ça a bien existé. Bon, je ne prononce pas sur ces questions, hein, mais je veux dire simplement que voilà, il y a un consensus là-dessus. Bien. Donc il y a quelqu'un qui nie un génocide, apparemment, contre les Arméniens, et qui arme des gens qui veulent reprendre des territoires peuplés d'Arméniens, y compris en utilisant des djihadistes et des drones suicides fournis par Israël. On peut comprendre que les Arméniens se sentent un petit peu nerveux, je veux dire, d'un certain point de vue, ça peut se comprendre. Et on peut comprendre qu'à gauche, ce genre de position de la part Libération suscite quand même l'indignation, je veux dire. Bon, c'était pas tenable. Alors pourquoi ils sont fourrés là-dedans? Ben, je l'ai dit, le nouveau rédacteur est un membre de l'établissement militaire israélien. Donc il défend les intérêts israéliens. Et à qui appartient le journal Libération? À Patrick Drahi. Il a un passeport israélien, Patrick Drahi, c'est pas moi qui l'invente. Il est milliardaire aussi. Et là, ils se sont pris magnifiquement les pieds dans le tapis. Alors, je voulais quand même citer ça parce que il faut mesurer ce que ça implique quand les tensions commencent vraiment à monter, qu'il y a des conflits ouverts qui surgissent ici et là. Il faut quand même mesurer ce que ça veut dire d'avoir des milliardaires étrangers, surtout quand ils sont juifs, qui investissent dans vos médias comme ça, qui nomme des antifascistes, parce que le reste du temps, Plotu, il gendarme ce qu'ils appellent l'extrême droite, hein, les nationalistes, les trucs, il passe son temps à ça. D'accord? Et là, il s'est dit, ah bah oui, bah, l'Arménie est l'extrême droite, hein, c'est plus ou moins un peu la même chose, quoi. Alors évidemment, là, il s'est vautré en beauté, quoi. Enfin bon, on voit bien ce qui est en mouvement. Bon, bah, y a une grande cohérence dans tout ça. Alors là, je vous sollicite tous. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, je ne vais pas vous demander de faire une digression sur le conflit en lui-même, mais qu'est-ce que ça peut nous dire sur ces Juifs qui, finalement, bah, alors sans trembler, hein, eux qui font commerce, je veux dire, de la mémoire de l'Holocauste, qui nous disent plus jamais ça. Il faut toujours garder à l'esprit le génocide, parce que il faut surtout soutenir Israël, parce que justement, Israël, c'est la garantie qu'il n'y aura pas d'autre Holocauste. Je veux dire, ils ont quand même tout un discours là-dessus, c'est les professionnels de ça. Alors là, c'est les Juifs de gauche qui ont leur discours spécifique, c'est-à-dire que leur ennemi, ben, c'est le fasciste, c'est celui qui est d'extrême droite. Donc, quand ils veulent défendre leurs intérêts, en l'occurrence, bon, qui sont plutôt du côté, semble-t-il, de l'Azerbaïdjan et de la, d'un parti donc du côté d'Erdogan, hein, pour le coup, ils vont diaboliser le camp d'en face, à dire ah non mais l'autre il est méchant, il est nazi quoi, en gros, hein, c'est ça. Fascisation, oui, l'épouvantail. Oui, c'est, là, le fascisme. C'est l'étiquette. On te met le. On va dire, c'est pas l'étoile jaune, mais bon, hein, tu as la marque de la bête, tu es méchant. Hein, ouais. On te marque au fer rouge. Bon, ça, c'est la partie de gauche. Je crois que nos amis compatriotes juifs de droite ont aussi, ma foi, un discours qui. Oui, c'est le journal Causeur d'Elisabeth Lévy. Alors, d'Elisabeth Lévy, je crois que c'est Gil Mikhaïli qui s'est exprimé. Oui, Gil Mikhaïli, qui a d'ailleurs le même prénom hein, que Gil Taïeb, hein, du CRIF, qui a eu l'idée de la loi Avia. Gil Mikhaïli, il est cofondateur du journal. Hein, oui, cofondateur du journal, oui, c'est pas... Oui, tout à fait. Et il faut savoir aussi qu'il est comme M. Alphand, il est israélien. Oui, base. C'est un israélien, ouais. Oui. Les deux sont... C'est-à-dire que... Donc, oui, on a le journal de droite et le journal de gauche, oui, tout à fait. La tenaille identitaire, n'est-ce pas n'est pas celle qu'on pense, effectivement. Et Causeur, donc on a deux journaux, deux médias, qui sont directement présidés par deux Israéliens. Ils ne sont même pas nés en France. C'est une farce. Hein. Rendez-vous compte un petit peu de la chose. Hein. Ah oui, alors donc, Gil Mikhaïli, né en Israël, citoyen israélien, nous explique dans un article absolument surréaliste, récemment paru dans Causeur, donc qui est un journal qui se veut le plus clair du temps sous la férule d'Elisabeth Lévy, extrêmement critique de l'islam, de l'islamisation, etc. Enfin, on en fait des caisses hein, sur le thème. Voilà, Elisabeth Lévy se pose en championne de la résistance à l'islamisation. C'est un petit peu comme Éric Zemmour, d'une certaine façon, c'est-à-dire que ils sont extrêmement prolixes sur les symptômes, sont beaucoup moins curieux et beaucoup moins font preuve de beaucoup moins d'allant quand il s'agit d'exposer de possibles causes. Hein. Ça disparaît complètement. Alors par contre, on va en entendre alors, sur le voile islamique, le halal, on va en entendre beaucoup. Hein. Bon, moi j'aime pas le halal, j'aime pas les femmes voilées, mais enfin, on aime creuser, on aime savoir un petit peu le pourquoi du comment, et là, curieusement, il faut pas trop demander à Elisabeth Lévy, vous n'en saurez pas beaucoup plus. Et Elisabeth Lévy, donc, qui est le plus clair du temps, tape, mais alors férocement, hein, sur les islamistes, et qui d'ailleurs tient sur sur une radio juive, enfin en tout cas jusqu'à une date assez récente, des entretiens avec Alain Finkielkraut, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, c'est très communautaire, hein, c'est très très très communautaire. Et qui a fondé son journal Causeur avec un ressortissant israélien. Ce ressortissant israélien nous donne le ton du journal. Il publie un article avec un conflit territorial post-soviétique vieux de 30 ans et qui n'a rien à voir avec l'immense tragédie de 1915. Le dénouement pacifique du conflit qui démarre ne mettra en aucune manière péril à l'État-nation arménien, son indépendance et sa prospérité. Il faut également se débarrasser de nos préjugés contre les Tatars musulmans. ennemi héréditaire des chrétiens dans le Caucase. Il faut abandonner ce préjugé. Ce qui a été fait en Azerbaïdjan depuis son indépendance en 1992 est la démonstration du contraire. Ce sont les Arméniens qui posent problème, messieurs. À commencer par les excellentes relations avec le voisin du Nord, la Géorgie. Alors là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais en fait, c'est pas du tout le fruit du hasard. 47 ans après la guerre de Kippour, ce qui se passe au Caucase du Sud y ressemble étrangement. Une impasse diplomatique pousse des belligérants à prendre les armes, non pas pour anéantir son ennemi, mais pour l'obliger à négocier une paix juste et le transformer en allié. Dommage qu'autant d'Israéliens et d'Égyptiens sont morts pour permettre aux deux ennemis de faire la paix quelques années plus tard. Retenons cette leçon si chèrement apprise. La source de la plaie purulente du Caucase du Sud est une injustice reconnue par la quasi-intégralité des États de la planète. C'est donc à cette injustice qu'il faut s'adresser avant que le poison ne se répande par ailleurs. Alors vous avez compris, hein, les Arméniens, ils doivent accepter de se faire écraser militairement par les Turcs et les musulmans, parce que c'est le sens du droit international. Voilà. Et il ne faut surtout pas confondre avec le génocide arménien de 1915. Il ne faut pas mélanger les choses, messieurs. Ne mélangez rien. C'est mauvais pour les affaires. Alors, juste pour l'analogie, hein, imaginez, monsieur Mikhaïli, si demain, idée originale, s'il en est, mais juste comme ça pour des raisons didactiques, des motifs didactiques. Imaginons que demain l'Allemagne redevienne national-socialiste ou néo-national-socialiste. Voilà, un nouveau gouvernement, une espèce de leader fort, nationaliste, allemand, qui parvienne au pouvoir à Berlin et qui dise, écoutez, d'ailleurs, il a des arguments, hein, on en parle assez souvent ici, mais, qui dise, voilà, le soi-disant génocide des Juifs, c'est une fabrication, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Et d'ailleurs, sur ce, je vais aider les Palestiniens qui, eux, sont victimes d'une véritable agression. D'ailleurs, toutes les résolutions de l'ONU l'attestent, etc. Israël se comporte en état hostile. Et il est bien évident qu'il ne faut pas abandonner la Palestine à son triste sort. Je vais fournir des armes à la Palestine et peut-être même que nous apporterons une assistance militaire à la Palestine. D'après vous, quelle serait la réaction de Gil Mikhaïli dans les colonnes de Causeur? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, ah, vous savez, il ne faut pas confondre quand même la tragédie de 1945 avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une injustice territoriale vis-à-vis du peuple palestinien, il s'agit de faire respecter le droit international et de forcer Israël à reconnaître ses torts et à se conformer à la loi internationale. Est-ce que, d'après vous, ça fonctionnerait dans l'autre sens? Je pose la question, j'ai la réponse, hein, mais bon, je sais pas. Et plus généralement, sur l'attitude des Juifs, moi je suis preneur de vos réactions. Ah, c'est... Non, c'est... Bon. Pour poser le problème dans ce sens-là, c'est... Ouais, c'est montrer l'étendue de l'impudence de ce juif, quoi. Enfin, ces gens n'ont aucune espèce de limite pour étaler tranquillement des horreurs, quoi. Les Arméniens, quand même, hein. Puis Kippour. Ouais, ça arrive, hein, t'as vu, hein, c'est... Ouais, mais quand c'est, même... Ça enchaîne tout vite, hein. Ça va très très vite. Trois paragraphes. Bon, donc c'est le journal de droite française, hein, c'est le quotidien... Bah écoute, moi ça... Enfin, je veux dire, voilà, enfin, moi, je vous donne la parole après, mais... Là, on est quand même dans une situation, je veux dire... Encore une fois, je comprends qu'on ne s'identifie pas nécessairement aux Arméniens, parce que voilà, c'est un peuple qui vit sur les contreforts du Caucase, donc bon, tout ça je l'entends, mais bon, on est confronté aux musulmans, d'accord, quotidiennement, dans nos rues, voilà. Ils sont de plus en plus virulents, de plus en plus agressifs. Au Karabakh, ils ne sont pas de plus en plus virulents et de plus en plus agressifs, ils prennent les armes, ils arment des djihadistes pour s'emparer de leur village. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire ce qui va se passer dans le moindre village arménien qui tombera aux mains des djihadistes. Vous savez ce qui va se passer, d'accord? Ça va être un carnage. Bien. Ce carnage est possible parce que les juifs arment les djihadistes. D'accord ? C'est ce qui se passe sur place. Et là, parce que dites-vous bien que comme en Syrie et comme ce qui se passe maintenant en Arménie, ça finira par arriver en Europe. On voit cette presse-là, donc avec Libération pour la gauche sous contrôle juif et Causeur pour la droite sous contrôle juif, on voit ces juifs nous expliquer que finalement, il ne faut pas trop s'intéresser à tout ça, il ne faut pas dramatiser, il faut un petit peu relativiser, il faut... Faut pas s'emporter et soutenir aveuglément les Arméniens comme ça. Vous voyez, c'est une mauvaise idée. Ouais. Prenez du recul, restez chez vous, intéressez-vous à autre chose. Donc les mêmes juifs, comme à Causeur, qui sont si virulemment hostiles à l'islamisme, sont ceux qui arment les islamistes. Ouais. Ça, c'est le juif. Et c'est Elisabeth Lévy, qui, excusez-moi, Elisabeth Lévy d'ailleurs, comme le Guil Mihaeli, a les faveurs de Marion Maréchal Le Pen, ex-Le Pen. Guil Mihaeli a donné une conférence à l'ICEP Lyon. Hein, voilà. Pour parler des alliances israéliennes. Et quelles alliances ? Les alliances avec l'islam. Donc, à quel jeu joue Marion Maréchal, de son vrai nom, Marion Hawk, fille d'un informateur du Mossad, Roger Hawk ? D'accord ? Donc, à force de prendre les gens pour des cons, ça finit par se voir. Ça finit par se voir. Donc tous les gogos qui lisent toute cette presse soi-disant réactionnaire, anti-islam, etc., c'est du chiquet, c'est contrôlé par les juifs. Les juifs ne défendent que leurs intérêts tribaux. À la seconde où ils estiment que, pour faire plus de pognon, il faut vous poignarder dans le dos, ils vont vous poignarder dans le dos. Ils vont même pas y réfléchir. Ils vont pas y réfléchir 5 secondes, je veux dire. Quand l'intérêt du juif est de nous dire que... un voile ou une comment ça s'appelle un appel à la prière ou quoi, c'était scandaleux ou une inscription antisémite un slogan antisémite dans une manifestation de Bougnoul, c'est absolument horrible. Par contre Erdogan qui envoie des djihadistes en Azerbaïdjan et puis bon les types ils arrivent, voilà, hein. Bonjour monsieur, mettez le petit drapeau Aziri sur votre manche, voilà, c'est, les types, ça marche comme ça, ils parlent la langue. Hein. Ils vont aller massacrer des gens, des chrétiens pour le coup. Là, ça va. Charré, c'est permis. C'est le djihad cachère. Hein. Le djihad sans l'aimer, j'ai envie de te dire. Le djihad sans l'aimer. Ouais, y a beaucoup de choses qu'ils font sans l'aimer, c'est très. Bon, c'est abject, hein. cette race est absolument abjecte, on aurait besoin d'une nuit de cristal, je pense, dans la droite oui, française. Oui, c'est une réflexion. Non, mais il faut le mesurer, quoi. Est-ce que, peut-être, Fulbert, sur le conflit en lui-même, tu as quelque chose que tu aimerais nous dire, ou un point que tu aimerais souligner, un détail à fournir ? Non, rien de particulier, je pense que tu as bien résumé cette situation. Non, pour l'instant, non, on parle de petits trucs techniques sans véritable importance. Diabolix, peut-être, aurait quelque chose à nous dire. Non, franchement, non. D'accord. Pierrot, toi qui es catholique, est-ce que ça te parle un petit peu, ce conflit Enfin, cette... Ouais, désolé, j'ai passé mon tour aussi, je suis un peu largué à niveau géopolitique sur ce sujet. Bon, d'accord. Enfin, bon, voilà. Ouais. Juste on a un petit truc, on a la Géorgie qui est pas très loin, oui. Qui je crois verrouille pas mal son pays pour éviter que des chrétiens des orthodoxes hein, d'Europe centrale aillent soutenir les Arméniens. D'Europe orientale ouais. Plutôt, aillent passer par la Géorgie pour. Alors ça s'explique parce qu'en fait ces gens-là, bon déjà la Géorgie est un pays louche. Oui, on se rappelle quand même du coup de 2008 où ils ont attaqué, enfin je veux dire la Géorgie qui attaque la Russie, enfin bon c'était... bon c'est, ils sont dans des eaux troubles, je rappelle que Glucksmann, Raphaël Glucksmann trempait déjà en Géorgie en 2008 pour le compte de Sarkozy, servant d'émissaire pour y instaurer la démocratie comme on appelle ça. C'était Truffaut d'Israélien, en fait. Hein. Oui, tout à fait. C'est un avant-poste. Ouais, c'est un avant-poste israélien. Ouais, c'est Truffaut d'Israélien. Voilà. Donc, on est toujours sur les mêmes schémas et l'OTAN n'est pas loin. Il faut pas se leurrer. Et l'OTAN est allié des Turcs. C'est pour ça que Macron, l'air de rien. Alors, comment dire? Macron a une politique étrangère, une politique intérieure. Les deux sont très différentes. Encore que, parce qu'il y aurait des choses à dire sur sa politique extérieure, mais disons qu'il se retrouve objectivement dans une situation où il pose problème justement à cette alliance de l'OTAN et du croissant islamique brandi par Erdogan. Macron est un peu l'empêcheur tourné en rond, en tout cas depuis maintenant un petit moment, justement, dans son rapport à la Turquie. Le tournant ayant été finalement l'affaire syrienne et l'abandon des Kurdes, qui étaient des alliés de la France, et l'affaire n'a fait que s'envenimer depuis. Voilà. Donc, si vous voulez, nous avons des gens en France qui sont des agents de la juiverie internationale. Hein. Et les agents de la juiverie internationale sont les agents de la CIA. C'est la même chose, en fait. Et ces gens-là ont la même politique depuis des années et des années. C'est pour ça que vous entendez Glucksmann hurler sur tous les toits à propos des Ouïghours, qui seraient soi-disant génocidés. Je veux dire, depuis le temps qu'il dit qu'ils sont génocidés, c'est curieux qu'il en existe encore, d'ailleurs. Enfin bon, apparemment, ils sont génocidés, on ne sait pas comment, mais bon, voilà. Tout ça manque quand même beaucoup de substance, tout en sachant que c'est les mêmes gens qui nous disent que finalement, un génocide, ce n'est pas si grave. Ça dépend quand et avec qui, quoi. Et Glucksmann ne dit pas un mot de l'Arménie, par exemple. Très calme, très, très discret. Très silencieux. Il faut dire que Glucksmann se retrouve à côté d'Erdogan à pleurer sur l'histoire des Ouïghours. Eh oui, c'est assez bizarre. Il y a des convergences aussi, là, encore. Hein. Mais... Vas-y, Fulbert. Oui, je ne sais pas. Je te coupe peut-être, non? Ah, vas-y. Oui, tu dis la Géorgie c'est pourri, c'est très vrai, parce que je vais essayer de ne pas me tromper, mais il y a, bon, outre cette affaire là de 2008 que tu as citée avec l'agent américain Saakashvili qui était président et qui était reconnu comme un agent américain. Qui a fui après, hein. Oui, et qui est devenu, je crois, ministre ukrainien par la suite. Oui, comme la femme de Glucksmann, l'ex-femme de Glucksmann aussi. Elle avait été simplement recrutée en tant que géorgienne en Ukraine par le nouveau pouvoir, mais en fait par la CIA, pour c'était un commissaire politique géorgien recruté par la CIA pour gérer les affaires intérieures de l'Ukraine. Et elle était mariée à Glucksmann, qui lui-même est un agent de l'international. Oui, et tu l'appelles comment, elle, cette femme? Ah, j'ai oublié son nom, c'est des noms imprononçables. Attends, est-ce que ce ne serait pas... Attends, je donne le nom, parce que moi j'ai autre chose. Zurabishvili, Salomé. Parce que je me souviens, il y avait. C'est parce que j'ai simplement peur de ne pas faire confusion, mais il y avait une ambassadrice de France en Géorgie qui a repris la nationalité, enfin, ou qui a abandonné du moins la nationalité française, oui, c'est ça, pour devenir. Pour se présenter à la présidentielle géorgienne. Et actuellement, justement, la présidente de la Géorgie, c'est Salomé Zurabishvili. Non, c'est pas la même. Oui, c'est pas l'ex-femme de Glucksmann. C'est une autre, effectivement, une géorgienne qui s'appelle Salomé, donc ça, bon, c'est compris, qui était diplomate française et qui est maintenant... chef d'État, donc président de la Géorgie. Oui, vous avez compris, quoi. Oui, tout en parlant, je viens de vérifier, effectivement, c'est ça. Hein. Elle était bien ambassadrice de France en Géorgie. C'est la Nassa Rebecca. Oui, voilà, ce sont des gens qui ont 36 passeports, 36 fonctions, ils passent d'un gouvernement à un autre. C'est l'international. Hein. D'un pays à l'autre. C'est de la partousse, même pas politique, c'est de la partousse diplomatique. Non, mais c'est pas ça, c'est le Comintern. Ouais, d'accord. C'est le Comintern, c'est une internationale qui manage le système de la même façon à Paris, à Berlin, qu'à Budapest, à Tbilissi et ailleurs. Et ces gars-là, vous pouvez les mettre, s'ils savent parler la langue du pays en question et qu'ils ont démontré leur capacité dans leur position, ils seront nommés dans tel ou tel endroit. Je veux dire, c'est une internationale. Et ça, c'est très important à comprendre. Et ces agents d'influence, on va les retrouver maintenant comme Glucksmann au Parlement européen. Vous allez rendez-vous sur le Twitter de Glucksmann. Cet histrion juif a été jusqu'à changer la bannière de son compte personnel et la photo de son compte personnel de la couleur bleu turquoise du drapeau ouïghour. C'est pour vous dire le degré de pathologie de ces gens, parce qu'en plus, il y a une dimension personnelle dans tout ça. Oui, ils ne parlent que des Ouïghours. Donc moi, je me pose la question, c'est drôle quand même, tu es un électeur français, tu votes pour un eurodéputé pour représenter tes intérêts à Bruxelles, et tu découvres quoi? Que tu as affaire à un sinistre agitateur droit de l'homiste, dont tu te dis, c'est pas possible, le type doit avoir une mère Ouïghour pour qu'il se sente aussi concerné, quoi. Non, en fait, c'est l'internationale juive qui déstabilise la Chine. C'est point barre, voilà. Et ces mecs-là avancent leur agenda et ils se font élire parce qu'ils contrôlent les médias, ils contrôlent les partis. Donc, vous voyez, c'est vraiment des nominations bureaucratiques. Vous voyez, après, on dit aux cons, hein, aux contribuables de Diabolix, non seulement de payer des impôts, mais pour ratifier en votant. Et les mecs, ils votent comme des cons. Ils votent, la démocratie, quand même, c'est important. Eh non, mon con. Ça n'a rien à voir avec ce que tu crois. Donc voilà, donc... La démocratie, c'est fait pour couillonner les goy, tout simplement. Les oui, on l'a vu en Belgique avec la nomination de votre nouveau gouvernement, c'était assez concluant, effectivement. Absolument. Ouais. Tiens, je voulais dire aussi à propos de la Géorgie, j'ai vu du source russe que dans ce que tu as expliqué là avec l'Arménie, en fait, la Géorgie laisse les avions turcs survoler son territoire pour ravitailler l'Azerbaïdjan. Oui. Ouais, pour fournir des hommes, des djihadistes donc, pour fournir des conseillers techniques, pour fournir de l'armement, etc. Et pendant ce temps-là, bloquent les avions arméniens. J'aimerais revenir justement sur le Haut-Karabakh. En fait, le problème du Haut-Karabakh, par rapport à son ennemi héréditaire, c'est un petit peu comme si demain, la France décidait de s'attaquer au Liechtenstein. C'est extrêmement petit. Ça doit faire 200 000 habitants. C'est absolument que dalle. Et il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que c'est un point haut, c'est un point stratégique, c'est un point montagneux. On a des altitudes qui montent à 2000 mètres. Ce qui, moi, m'interpelle en ce moment, mais d'un pur point de vue tactique, c'est qu'ils se sont pris, comment dire, je crois qu'ils ont lancé leur offensive beaucoup trop tôt. Ce soir, au Haut-Karabakh, la température va tomber à 17 degrés. Pendant la journée, elle est à 20, 22, 23. C'est-à-dire que l'hiver n'est pas encore là. Et les Arméniens tiennent. Parce que les Arméniens sont dans une île montagneuse, le dos au mur, ils ne peuvent pas reculer. Le grand intérêt, la seule chose qui représente un avantage dans ce genre de guerre de position, c'est l'hiver. Parce que l'hiver, tu ne peux rien foutre. L'hiver, une patrouille laisse ses traces dans la neige. Donc, ils ont lancé leur offensive maintenant. De deux choses l'une, soit ils vont sérieusement monter dans les tours, et là ça va obliger l'OTAN et l'Europe à réagir parce que bon, ça va tourner au massacre, ou alors ils vont lâcher du lest parce que le problème c'est que l'hiver va arriver, octobre ça va se passer d'une manière plus ou moins doucereuse, novembre, on va avoir les premières gelées sévères, et décembre, tout le monde sera gentiment sous le coup du général hiver, comme l'appellent si bien les Russes. Donc voilà, ça c'est un point assez intéressant. Maintenant, la manière dont ça va se passer, ça va être grosso modo des tirs de missiles au petit bonheur la chance, de préférence sur des bâtiments civils pour bien foutre la terreur et la merde, mais des affrontements, comment dire, entre corps d'armée, j'y crois quand même relativement modérément. Moi, je sais que, parce que j'ai mes antennes, je sais que les Azerbaïdjanais, l'année dernière, avaient démarché agressivement toute une série de personnes et ils ont mis les petits plats dans les grands. Ils avaient même accueilli toute une délégation de députés français, aux frais de la princesse, bien sûr. Il faut quand même que nos auditeurs soient un petit peu informés de ce que trafiquent leurs députés. Ils étaient invités là-bas à Bakou. Alors là, vous connaissez, enfin, peut-être que vous connaissez ou vous connaissez pas, mais là, tout est ouvert. Hein. Je veux dire, c'est champagne à gogo, caviar, comment dirais-je, pute offerte, hôtel grand standing, évidemment, dans la capitale. Je vous passe les détails. L'idée, c'était quoi? Pour le coup, l'idée, c'était pas à Bakou. C'était pas à Bakou. Petit jeu de mots. Ouais. Mais ils avaient commencé comme ça. Ensuite, il y a eu la deuxième phase, parce qu'ils ont envoyé des émissaires un peu partout en France, sonder les personnes qu'il fallait sonder. Notamment d'ailleurs à La Baule, qui vous savez est une cité, comment on dirait, sur l'Atlantique, en Bretagne, qui est très prisée d'une certaine élite, notamment de droite. Et là, il y a eu des mouvements qui ont été observés, où on a vu, comment dirais-je, des diplomates azerbaïdjanais discuter très longuement avec toute une série d'huiles. Et il y en avait ailleurs, d'ailleurs. Donc tous ces gens-là, ils étaient en train d'essayer d'acheter les Français, les dirigeants français. Je pense d'ailleurs que c'était assez bien parti, toute cette affaire. Sauf que, entre-temps, il y a une nouvelle dynamique en Méditerranée orientale, comme je l'ai dit, et que Macron a taper du poing sur la table. D'ailleurs, pour une fois qu'il fait quelque chose de bien, il faut quand même le souligner. Il a tapé du poing sur la table pour diverses raisons qui lui appartiennent, on ne va pas rentrer dans tout ça, quels sont tous ses calculs. Mais enfin bon, il a tapé du poing sur la table et tous ces rats ont dû plier bagage et abandonner leur plan. Mais c'est vrai qu'ils étaient déjà très occupés à amollir les cercles dirigeants français. Et à s'attirer les faveurs de toute une série de personnes dont ils estimaient qu'ils étaient susceptibles de pencher dans leur camp. D'accord ? Alors, pourquoi ? Ça s'explique, je te coupe, ça s'explique parce que la France fait partie oui. D'une organisation qui s'appelle le groupe de Minsk, donc au nom de l'Europe, je crois qu'il y a la Russie, me semble-t-il aussi, pour gérer ce conflit du Haut-Karabakh ouais. Voilà, au niveau international. Oui, tout à fait, voilà, c'était si ça l'idée. Si l'Azerbaïdjan envoie des... enfin, est venu avec les putes, le champagne, le caviar, la coque et compagnie, c'est pour voir des politiques français, c'était pour cette raison-là. Tout à fait, c'est pour ça. Et ça a tourné court, mais ils étaient déjà très occupés à préparer leur affaire. Donc les préparations... Elle remonte. Et là, en fait, on est passé à l'offensive militaire à proprement parler. Et je pense qu'on est sur quelque chose... Je ne sais pas combien de temps ça va durer, là, je ne suis pas devin. Hein, mais vu les livraisons turques de matériel, d'hommes, d'armes, etc., ce n'est pas uniquement pour faire voilà, un peu un coup de feu... Ça s'enflamme 10 jours, et puis ensuite tout le monde rentre chez soi. Je pense qu'il y a quand même derrière, alors il peut y avoir des pauses, mais je pense qu'il y a quand même derrière une intention de longue durée, et l'Arménie, au moment où on parle, en fait, hein, est très isolée. Très isolée, parce que au fond, contrairement à l'Azerbaïdjan, ils n'ont pas de pétrole à vendre, ils ne peuvent pas inviter Pierre, Paul et Jacques depuis Paris... pour leur faire la tournée des grands-ducs avec les putes, etc. Donc, c'est des gens qui n'ont que la défense de leur territoire national pour eux. Donc, et alors enfin, le clou du spectacle, c'est quand même la convergence entre les mahométans et les juifs. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est probablement le meilleur argument de vente, d'ailleurs, pour moi, de qui est du bon côté et qui est du mauvais côté, quoi. Alors bon, c'est un conflit qui est, comme je dis, hein, aux portes de l'Europe. Donc on pourrait être tenté de se dire qu'on n'est pas directement concerné, mais ça c'est le deuxième aspect. Je pense qu'on va avoir des tensions assez dures entre Arméniens et Turcs en France. On en avait déjà cet été, peut-être que vous en rappelez. Il y avait eu, ces derniers mois, les tensions montaient, et on a vu des manifestations, et on a vu des Turcs organiser des rassemblements pour aller chasser de l'Arménien. Donc en fait, des tentatives de pogrom d'Arméniens. Sauf que quand les Arméniens se sont montrés, toutes les blagues turques sont reparties dans l'autre sens. Donc, vieille tradition islamique. Nous allons voir des tensions. Alors, je serais même pas étonné d'ailleurs qu'on voit des meurtres. Et alors, il y a une autre activité, puisqu'on parlait de politiciens français, et j'en terminerai sur ce point. Il y a Nathalie Goulet, dont on a souvent parlé dans l'émission, en tout cas à plusieurs reprises, de son vrai nom Milstein, sénatrice, qui est dans tous les trucs à caractère islamique, hein, groupe d'amitié, elle est dans tous les groupes d'amitié où il y a des musulmans. C'est une constante. Et alors, son mari est mort dans des conditions très troubles. Goulet-Minstein explique, c'est sur son compte Twitter officiellement, hein, elle écrit carrément au ministère des Affaires étrangères, sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères azerbaïdjanais. Donc la juive Milstein, dit Goulet, pour les Goy, explique aux diplomates azéris, j'ai tellement hâte de voir les enfants azerbaïdjanais retourner au Karabakh. Quoi ? Oui ? Donc c'est-à-dire qu'on est déjà, les juifs sont déjà en train de bosser, si vous voulez, sur le nettoyage ethnique, au moment où je parle. D'accord ? On va nettoyer ethniquement le Haut-Karabakh. Il faut bien comprendre où se situent aujourd'hui les chrétiens arméniens de cette zone. Le programme, c'est de les nettoyer ethniquement. C'est pas de les administrer, je ne sais quoi. Soit on les tue sur place, d'accord ? Parce que bon, c'est des miliciens djihadistes, je vous laisse imaginer. Sur Turcs, en plus. Bon, je vous laisse imaginer ce qui se passe si des types foutent la main sur un seul village avec des femmes, des gosses. Bah, bon, surtout s'ils sont chrétiens. Bon, là, alors, bon, et ben la Milstein Goulet, elle est déjà en train de dire, ah j'ai hâte de voir les enfants, etc. Donc elle a déjà hâte de voir les Mahométans reprendre le territoire des chrétiens. Voilà, elle est au Sénat français, elle se représente là, elle s'est représentée. Enfin, c'est la bête juive est présente à tous les étages en France. Ils sont partout et ils travaillent. Voilà. C'est ce que je voulais dire, je voulais préciser ça quand même, en plus du reste, quoi. Heureusement que je connais l'arme secrète des Arméniens. Quoi ? C'est pas difficile, on va prendre cette brave dame, on va l'enfermer dans une cave, et on va lui faire écouter l'intégrale de Charles Aznavour. Il semblerait quand même que les gens du Haut-Karabakh, ou les Arméniens, mais je crois plutôt ceux du Haut-Karabakh, disposent d'une arme qu'ils n'emploieraient qu'en dernier recours. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, Gandalf. Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai pas les détails militaires de l'opération. Bon, j'ai oublié le nom, j'aurais dû le garder. En fait, il s'agit d'un missile sol-sol de conception russe qui porte jusqu'à, si je me souviens bien, à 500 km. Rappelez-vous que, vous savez, il y avait le missile Pluton en France, hein, qui portait à 120 km, ce qui était très bien. Et les Russes ont réussi à allonger la portée d'un missile similaire, qui a une très grande précision, je crois qu'elle est de l'ordre de 7 mètres, si je ne m'abuse. Et donc, c'est pour détruire, c'est une arme tactique, qui peut avoir une arme nucléaire, hein, que n'ont pas évidemment les Arméniens ou le Haut-Karabakh. Mais qui permet de détruire des cibles d'importance, mais déjà à un niveau non plus tactique, mais pratiquement dans cette zone-là, stratégique. Mais ils ne peuvent pas l'employer, estimant que l'emploi de cette arme grandirait le conflit, l'amènerait à un niveau international qui deviendrait incontrôlable. Mais il dispose de cette arme quand même qui est, je dirais, un dernier atout. Oui, je pense qu'ils le feraient si jamais ils étaient vraiment menacés, je veux dire, d'être submergés, quoi. Ouais, je n'ai plus le nom de l'arme en tête, je peux retrouver ça, mais je ne saurais pas vous le dire comme ça sur un claquement de doigts. Enfin bon, surveillons ça de tout près, surveillons l'attitude des Juifs aussi de très près, car, je le dis, je le répète, sa vocation à se répliquer. D'ailleurs, si ce conflit arménien, entre Arméniens et musulmans s'amplifie, enfin s'installe, on va dire, du fait qu'il concerne une nation chrétienne comme l'Arménie, la première nation qui s'est convertie au christianisme d'ailleurs, historiquement, au 5e siècle, ça ne peut pas rester sans résonance en Occident. Et surtout dans les milieux sensibles à la question de l'expansion islamique. Et je serais très curieux, j'attends hein, avec beaucoup d'impatience, les réactions... de la, comment dirais-je, de... Oui, des grenouilles de bénitier abonnées... Oui, à valeur actuelle... Voilà, à la synagogue. Ouais. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Je comprends hein, qu'on soit occupé sur les dossiers nationaux immédiats, hein, c'est sûr, mais c'est un peu comme l'affaire syrienne. Alors, on n'en est pas encore au niveau syrien, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que s'en détourner, c'est une mauvaise idée, parce que tôt ou tard, ça revient vers vous, quoi. C'est un boomerang, quoi. Et j'ai hâte de voir les réactions. Pour le moment, c'est le calme, hein. C'est le désert des Tartares au niveau des réactions. C'est très très calme. Toute une droite, vous savez, qui est pour l'alliance avec Israël, pour défendre les chrétiens d'Orient, un truc comme ça, ils sont très silencieux en ce moment. D'ailleurs, Libération a sorti des articles extrêmement virulents, enfin... C'est pas Libération, c'est Mediapart, mais c'est lié à Libération, des articles très virulents contre l'association Chrétien d'Orient, qui aidait les chrétiens oui, de Syrie. Oui, Chrétien d'Orient. Ouais. Voilà, en les accusant de tous les trucs, des personnes. Là, oui, tu vois... Les types payent des gens locaux qui sont pro-régime pour se déplacer, hein, c'est ce qui apparaît assez normal pour avoir des activités sur place. Donc, des gens du coin, quoi. Et ben non, ça c'est payer des milices pro-Bachar. Ouais, ouais. Donc, enfin, bon, le gaz et tout, on connaît la chanson. C'est Street Press, je crois. C'est pas Mediapart. Je crois que c'est Street Press qui est un torchon qui a cette habitude de balancer les gens comme ça. Bon, c'est une saloperie, quoi. C'est toute cette presse juive, hein, c'est toujours la même chose. Et pourquoi ? Bah, ils défendaient Bachar. Et je rappellerai, finalement, on va peut-être se séparer là-dessus, pour ceux qui seraient un petit peu surpris, que le responsable des services de renseignement israéliens avait reconnu sur un plateau de télévisé américain qu'Israël soignait les militants d'Al-Qaïda en Syrie, du front Al-Nosra. Il avait reconnu qu'Israël les soignait. Pourquoi ? Parce que finalement, ils étaient utiles, ces djihadistes. C'était utile, ces djihadistes. Hein, qui... On appelle ça l'altruisme intéressé. L'altruisme intéressé, tout à fait. Et là, on a un bel exemple d'altruisme intéressé. Alors, qui sait ? Peut-être qu'il y aura une révélation à la faveur de ce conflit. Révélation, d'ailleurs, ambigu. C'est peut-être un terme ambigu, mais je le laisserai volontairement ambigu. C'est-à-dire une révélation, c'est-à-dire peut-être des gens qui vont... voir la lumière, ou peut-être des gens qui vont se révéler pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des agents de la juiverie, justement. Donc, à la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, les gars.